كلا بل تكذبون بالدين. Non, mais vous traitez la rétribution de mensonge. وإن عليكم لحافظين. Alors que veillent sur vous des gardiens. كراما كاتبين. De nobles scribes. يعلمون ما تفعلون. Qui savent ce que vous faites. إن الأبرار لفي نعيم. Les bons seront certes dans un jardin de délices. وإن الفجار لفي جحيم. Et les libertins seront certes dans une fournaise. يصلونها يوم الدين. Où ils seront introduits le jour de la rétribution. وما هم عنها بغائبين. Incapables de s'en échapper. وما أدراك ما يوم الدين. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? ثم ما أدراك ما يوم الدين. Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Le jour où une âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. والأمر يومئذ لله. Et ce jour-là, le commandement appartiendra à Allah. La sourate Les Fraudeurs. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. ويل للمطففين. Malheurs aux fraudeurs. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Mais qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres leur cause perte. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités. ليوم عظيم. En un jour terrible. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Non, mais en vérité le destin des libertins est d'être dans le Sijjin. وما أدراك ما سجين. Et qui te dira ce qu'est le Sijjin. كتاب مرقوم. Un livre déjà cacheté. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là aux négateurs. الذين يكذبون بيوم الدين. Qui démente le jour de la rétribution. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Qui lorsque nos versets lui sont récités dit, ce sont des contes d'anciens. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Pas du tout. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. ثم إنهم لصال الجحيم. Ensuite, ils seront introduits dans la fournaise. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. On leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Qu'ils prennent garde. Le destin des bons est d'être dans le عليون. وما أدراك ما عليون. Et qui te dira ce qu'est le عليون? كتاب مرقوم. Un livre cacheté. يشهده المقربون. Les rapprochés en témoignent. إن الأبرار لفي نعيم. Les bons seront dans un jardin de délices. على الأرائك ينظرون. Sur les lits d'apparat, ils regardent. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. يسقون من رحيق مختوم. On leur sert à boire un nectar cacheté. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Mélangé à du musc, que ceux qui convoitent ceci entrent en compétition. ومزاجه من تسنيم. Il est mélangé au تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. Source dont boivent les rapprochés. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Et retournant dans leur famille, ils retournaient gaiement. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Sur les lits d'apparat, ils regardent. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? La sourate La déchirure. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Iza as-samaa'u shaqqat. Quand le ciel se déchirera. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Et quand la terre sera nivelée. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Rejettera ce qui est en son sein et se videra. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras. Celui qui recevra son livre dans sa main droite sera soumis à un jugement facile. وينقلب إلى أهله مسرورا. Et retournera réjoui auprès de sa famille. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos. فسوف يدعو ثبورا. Il appellera la destruction sur lui-même. ويصلى سعيرا. Et il sera introduit dans un feu ardent. إنه كان في أهله مسرورا. Car il était tout joyeux parmi les siens. إنه

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ Allah est certes capable de le ressusciter. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Il n'aura alors ni force, ni secoureur. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ Par le ciel qui fait revenir la pluie. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ Et par la terre qui se fend. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ Ceci est certes une parole décisive. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Et non point une plaisanterie frivole. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا Ils se servent d'une ruse. وَأَكِيدُ كَيْدًا Et moi aussi, je me sers de mon plan. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Accorde donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. La sourate le Très-Haut. بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. سبح اسم ربك الأعلى Célèbre la pureté du nom de ton Seigneur le Très-Haut. الذي خلق فسوى Celui qui a créé et agencé harmonieusement. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى Qui a décrété et guidé. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى Et qui a fait pousser le pâturage. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى Et on a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter de sorte que tu n'oublieras rien. Sauf ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle, donc, où le rappel doit être utile. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى Quiconque craint se rappellera. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى Et s'en écartera le grand malheureux. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى Qui brûlera dans le plus grand feu. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Où il ne mourra ni ne vivra. قد أفلح من تزكى. Réussit certes celui qui se purifie. وذكر اسم ربه فصلى. Et se rappelle le nom de son Seigneur. Puis accomplit la prière.

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. Allah lui infligera le plus terrible des châtiments. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. Vers nous est leur retour. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. La sourate, l'aube. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. والفجر. Par l'aube. وليال عشر. Et par les 10 nuits. والشفع والوتر. Par le père et l'impère. والليل إذا يسر. Et par la nuit quand elle s'écoule. هل في ذلك قسم لذي حجر. N'est-ce pas là un serment pour quelqu'un de doué d'intelligence ? ألم تر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. حياكم الله en cette soirée du samedi 24 Jumada الثاني 1434 de l'Hégire correspondant au 4 mai 2013 بإذن الله تعالى. Donc nous sommes toujours avec le hadith 69 de Riyad Salihin. Cette fois, nous sommes dans le chapitre la piété. On a fait le premier cours la fois passée et on avait dit qu'il y avait une introduction avant de commencer les hadiths de la piété. Il y avait une introduction là, de yani, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Cette introduction, j'avais dit qu'elle se divisait en deux parties. La première partie, on l'a faite. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, la deuxième partie. Et la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on commence les hadiths qui ont rapport avec la piété. Al-Bohem, le Nawawi, alayhi rahmatullah, a cité quelques versets qui ont rapport avec la piété. Et quant au hadith, ce sera, inshallah ta'ala, le prochain cours. Al-Bohem, les versets qui ont rapport avec la piété, pour réviser un peu, le premier verset c'était... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ensuite, le verset qui va venir expliquer qu'est-ce que ça veut dire craignez Allah comme il doit être craint. C'est le verset prochain qui dit فاتقوا الله ما استطعتم, c'est-à-dire craignez Allah autant que vous pouvez. Si une personne craint Allah autant qu'elle peut, ça veut dire qu'elle a craint Allah comme doit être bi'idhni Allah ta'ala. Ensuite, il y a le verset Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Et c'est là qu'on s'est arrêté. On a vu que Allah subhanahu wa ta'ala là avait dit qu'on le craigne et avait demandé aussi qu'on parle avec droiture. Et on avait dit que parler avec droiture, c'était toujours, yani, ne pas contredire la charia. Non pas, ne pas contredire la charia. Et on avait dit, si vous vous rappelez, que c'est là qu'on s'est arrêté justement, on avait dit que parler avec droiture, c'est parler en bien. Naam. Et le contraire, c'est yani, de parler en mal. Et le fait de parler en mal, c'est-à-dire de ne pas parler avec droiture, peut être dans le contenu et peut être dans le contexte. C'est comme ça qu'on a dit. Parler en mal, ne pas parler avec droiture, se fait ou bien dans le contenu ou bien dans le contexte. Dans le contenu, si par exemple on dit des mots grossiers, Non. Bien, on dit des mots qui contredisent la aqida. Non, ça veut dire on n'a pas parlé avec droiture. Il a dit aussi, par exemple, le fait d'insulter, le fait de calomnier, le fait de médire. Tout ça, c'est parler en mal. C'est ne pas parler avec droiture avec ce qui a rapport avec le contenu. Quant à ne pas parler avec droiture dans le contexte, il a dit, ça veut dire que la parole en elle-même ne contient pas, yani, ne contredit rien, mais elle est même, yani, quelque chose de bien, mais tu ne l'as pas dit au moment voulu, non, à la personne voulue, dans l'endroit voulu. Non, ça s'appelle le contexte. Il a dit ici, c'est comme si, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui s'est trompé dans quelque chose, ou bien il est en train de faire quelque chose de blâmable, ensuite toi, tu vas lui interdire le blâmable. Interdire le blâmable en lui-même, c'est quelque chose de bien. Non. Mais, si tu le fais avec des propos durs, et tu es violent avec la personne, dans ce cas, tu n'as pas parlé avec droiture. Pourtant, ce que tu as dit est vrai, il faut blâmer l'interdit. Mais, la façon dont tu as blâmé ne correspondait pas. C'est pour ça que ici on peut dire que tu n'as pas parlé avec droiture. Le nouveau d'aujourd'hui, c'est que Allah Azza wa Jalla, quand il a dit, regardez le verset, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Taïb. Maintenant, si on craint Allah et on parle avec droiture, c'est quoi le résultat? C'est quoi la récompense? C'est quoi le fruit? Tout cela, c'est le verset qui vient. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Donc, toute personne qui deux conditions, craint Allah subhanahu wa ta'ala et parle avec droit, Allah va lui améliorer ses actions et va lui pardonner ses péchés. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, dans ce contexte, il dit فَبِالتَّقْوَى صَلَحُ الْإِيمَانُ وَمَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ. Il a dit, avec la piété, il y aura quoi? L'amélioration de la foi et l'absolution des péchés. Avec la foi, quand il y a la foi, récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, amélioration de la foi. La foi, masha'Allah, elle augmente. Et absolution des péchés. Donc, une chose qui monte avec la foi, il y a une chose qui monte, une chose qui descend. Ce qui monte, c'est la foi, ce qui descend, c'est les péchés. Ça, c'est avec la foi. Mais, quant à avec, lorsqu'il a dit, mais, avec la droiture dans la parole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a salahul iman ou mafir dhunub. Il y a l'amélioration de la foi, naam, l'amélioration des œuvres et absolution des péchés. Donc je répète pour résumer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez droit dans vos paroles. Parlez avec droiture. Le Cheikh rahimahullah dit, la foi, quand on a la foi, naam, qu'est-ce qui se passe avec la foi? Il y a amélioration, afoun, c'est pas avec la foi. Quand il y a piété, quand il y a piété, il y a amélioration de la foi et absolution des péchés. Et quand il y a droiture dans les paroles, il y a amélioration des œuvres, pas de la foi, et absolution des péchés. Naam. Ensuite le chir dit, wa ulima min hadhihi al-aya anna man lam yattaqi Allah wa yaqul qawlan sadidan fa innahu hari bi an la yusliha Allah lahu a'malahu wa la yaghfira lahu dhanbah. Le chir dit, et sûrement donc on va comprendre par sens opposé que quiconque ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala et ne parle pas avec droiture, donc il ne va ni lui effacer ses péchés, ni lui améliorer ses œuvres, ni lui effacer ses péchés, ni lui améliorer ses œuvres et aussi améliorer sa foi. Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset: وَمَنِ اتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنِ اتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, toujours les versets qui ont rapport avec la piété, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Maintenant, on est en train de voir quels sont les intérêts de la foi. Tout à l'heure, on a vu qu'avec la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'avec la piété, il y aurait la foi et améliorer les œuvres. Maintenant, on voit que quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Cheikh Rahimullah dit, il dit, craindre Allah, ici, quiconque craint Allah, craindre Allah veut dire an yaf'al ma umira bihi. Il doit appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire. Il doit se soumettre à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enjoint de faire. Et yatruk man huwa ya'nu. Et il doit s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Quiconque fait ces deux choses, il se soumet aux ordres et s'éloigne des interdits. Yaj'al lahu Allah makhrajan. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une issue et lui donne une issue. Min kulli dayq, de toute difficulté, de toute étroitesse, de tout chagrin. Il a dit fa kama daqa alayhi shay'un shay'un wa huwa muttaqin lillah fa kullama daqa alayhi shay'un wa huwa muttaqin lillah azza wa jalla ja'ala lahu makhrajan. Il a dit à chaque fois que l'étau se resserre, l'étau se resserre contre le musulman, contre le croyant, à chaque fois que l'étau se resserre, s'il veut maintenant desserrer l'étau, qu'est-ce qu'il doit faire? Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, la piété. Il a dit quiconque, naam, quand l'étau se resserre autour de son cou, s'il veut desserrer cet étau, alors qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ta'ala a promis que quiconque craint Allah, il lui ferait une issue. Il a dit, c'est un kana fi ma'ishati. Naam, que ça soit, yani cette chose est valable, que Allah subhanahu wa ta'ala desserre l'étau, si la personne le craint et est pieuse, que ça soit dans sa vie, naam, ou fi amwal, ou que ça soit dans ses biens, il a un problème dans ses biens, naam, ou fi awlad, ou alors il a un problème avec les enfants. Au fil mujtama, ou bien il a un problème dans sa société. Dans toutes ces choses-là, si l'étau veut se serrer, tu n'as qu'une seule solution. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala et yani, être pieux au maximum. Il a dit mata kana muttaqin lillah azza wa jall, mata kunta muttaqin lillah azza wa jall, fa thiq anna Allah sayaj'alu laka makhrajan min kulli dayq. Il a dit quand tu es, l'âme, à chaque fois que tu es, yani à chaque fois que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es pieux, il a dit, sache alors sûrement que Allah subhanahu wa ta'ala te fera une solution. L'âme, il a dit, wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan, car il a dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Le cheikh dit wa ma akthar alladhina ittaqaw Allah faja'ala lahum makhrajan. Et le cheikh dit et combien sont nombreux ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une solution. طيب, on va arrêter ici inchallah ta'ala pour six salat al-isha et on reprend inchallah ta'ala dans une demi-heure. Subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.

Entre donc parmi mes serviteurs. Et entre dans mon paradis. La sourate, la cité. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La uqsimu bihadha al-balad. Non, je jure par cette cité. Wa anta hillun bihadha al-balad. Et toi, tu es libre d'agir dans cette cité. Wa walidun wa ma walad. Et par le père et ce qu'il engendre. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme pour une vie de peine. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا. Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. Pense-t-il que nul ne l'a vu? أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ. Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. Une langue et deux lèvres. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Ne l'avons-nous pas guidé vers les deux voies? فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. Que ne s'engage-t-il pas dans la voie difficile? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? فك رقبة. C'est libérer un esclave. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Ou nourrir en un jour de famine. يتيما ذا مقربة. Un orphelin proche parent. أو مسكينا ذا متربة. Ou un pauvre dans le dénuement. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et se recommandent mutuellement la patience et se recommandent mutuellement la miséricorde. أولئك أصحاب الميمنة. Ceux-là sont les gens de la droite. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. عليهم نار مؤصدة. Le feu se refermera sur eux. La sourate, le soleil. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Par le soleil et par sa clarté. والقمر إذا تلاها. Et par la lune quand elle le suit. والنهار إذا جلاها.

وإن لنا للآخرة والأولى. À nous appartiennent certes la vie dernière et la vie présente. فأنذرتكم نارا تلظى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. لا يصلها إلا الأشقى. Ou ne brûlera que le damné. الذي كذب وتولى. Qui dément et tourne le dos. وسيجنبها الأتقى. Alors qu'en sera écarté le pieux. الذي يؤتي ماله يتزكى. Qui donne ses biens pour se purifier. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Et qui ne cherche pas à compenser un bienfait obtenu. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Mais seulement pour le visage de son Seigneur le Très-Haut. ولسوف يرضى. Et certes, il sera bientôt satisfait. La sourate Le Jour Montant. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. والضحى. Par le jour montant. والليل إذا سجى. Et par la nuit quand il couvre tout. ما ودعك ربك وما قلى. Ton Seigneur ne t'a ni laissé, ni détesté. وللآخرة خير لك من الأولى. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. ألم يجدك يتيما فآوى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a alors accueilli. ووجدك ضالا فهدى. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et t'a alors guidé. ووجدك عائلا فأغنى. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et t'a alors enrichi. فأما اليتيم فلا تقهر. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. La sourate L'Ouverture. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Wawada'na anka wizrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? الذي أنقض ظهرك. Qui accablait ton dos. ورفعنا لك ذكرك. Et exalté pour toi ta renommée. فإن مع العسر يسرا.

ألم يعلم بأن الله يرى. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. ناصية كاذبة خاطئة. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur. فليدع ناديه. Qu'il appelle donc son assemblée. سندع الزبانيه. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. La sourate l'a destinée. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons certes fait descendre au cours de la nuit d'Al-Qadr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل فيه صوت؟ هل فيه صوت؟ طيب اسمه مونتوندي. الحمد لله. دونك اون ايتي اون فيرسي اون سكوند اون سكوند. السلام. On était au verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est-à-dire que quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera ses dons, ou bien lui fera une solution, par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, et combien de gens, combien sont nombreux les gens qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala et auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait une solution. Et il a cité l'exemple des trois personnes que vous connaissez tous, d'après le hadith de Bukhari rahimahullah et Ghayru, qui sont rentrés dans une caverne à cause de la pluie et le osmo. La pluie et la nuit. Ensuite, un rocher est tombé et leur a bloqué la sortie. Et comment les trois personnes ont fait des doigts et comment Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait une solution et ils sont sortis de cette caverne. Car les trois étaient, mashallah, des personnes pieuses. Des personnes pieuses. Taïb. Ensuite, le shir dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsque Allah ta'ala a dit, il lui accordera des dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas, c'est-à-dire sur lesquels il ne s'y attendait pas du tout. Il a dit هذا أيضا فائدة عظيمة. Ça aussi, c'est un grand intérêt. أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. Que Allah subhanahu wa ta'ala, نعم, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la pourvoyance et la subsistance de la façon dont tu ne t'y attendais pas. Il a dit fa matalan, il a dit par exemple, لو فرضنا ان رجلا يكتسب المال من طريق محرم. Si on imaginait qu'un homme, par exemple, ou qu'une personne avait des rentrées d'argent d'une façon illicite. Ka tariq al-ghish, comme par exemple c'était quelqu'un qui yani trompait les gens et les dupait. Ou riba, ou bien il travaille avec son argent, il faisait l'usure et les intérêts. Ou bien ce qui rassemble à cela. Ensuite, on lui a fait des nasiha et des rappels que comme quoi ce qu'il faisait était haram et que son argent était haram et que yani, ses doigts ne sont pas exaucés et qu'yom al-qiyamah d'après le hadith sahih qu'il ne peut pas rentrer au paradis jusqu'à ce qu'il passe par l'enfer pour faire fondre la chair yani, qu'il a eue par le haram, par l'argent haram. Car avec l'argent haram, tu achètes des choses et tu manges. Ensuite, en mangeant, tu vas avoir de la chair en plus. Toute cette chair doit passer par l'enfer pour fondre. Il a dit, on lui a fait la nasiha et il a délaissé le haram. Il a délaissé, par exemple, ce travail ou bien cette façon de faire entrer l'argent haram. Il a dit, فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْتُ لِيَحْتَسِبُ. Alors cette personne aussi, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire une solution et lui donner ses dents de la façon dont elle n'imaginait pas. Non. Pourquoi? Car elle a été pieuse et elle a délaissé quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et peut-être même quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Il a dit ici le Cheikh Rahimullah, وَلَكِنْ لَا تَتَعَجَّلْ. Attention, mais ne te précipite pas et ne te hâte pas. Et ne crois pas que si maintenant tu as arrêté le haram et que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas yani, compensé et récompensé, il ne faut pas te hâter et dire vite comment ça fait un mois que yani, j'attends, il n'y a rien. J'attends de Allah subhanahu wa ta'ala yani, ce que j'ai lu dans le verset, mais il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Il a dit, il ne faut pas dire comme ça. Naam. ولكن قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه الثواب ليختبره هل يرجع الذنب ام لا. Il a dit car tout cela, cette chose aussi, le fait que Allah Azzawajal est retardé ta récompense, ça rentre aussi dans quoi? Ça peut rentrer dans l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala veut t'éprouver et voir est-ce que en retardant de toi la récompense, est-ce qu'en retardant tu vas revenir vers le péché ou bien tu vas endurer. Il y a des gens qui, yani, ils délaissent quelque chose pour Allah, ensuite il attend un peu. Il dit, mais il n'y a rien, j'ai délaissé pour Allah, mais il ne m'a rien donné en contrepartie. Il revient vers les péchés. Donc attention, ça peut être quoi? Ça peut être une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala veut voir de toi, est-ce que tu es quelqu'un de patient, de véridique, qui a délaissé quelque chose pour Allah, ou bien c'est comme si, yani, tu as délaissé pour tes intérêts, c'est tout. Non, je délaisse à condition qu'il me donne. S'il ne me donne pas, donc je reviens vers les péchés. Il a dit. Ensuite, il a dit, فَمَثَلًا إِذَا كُنْتَ تَتَعَامَلْ بِالرِّبَا. Il a dit, si par exemple, ton argent rentrait, yani, de par l'usure, par exemple. Non, de par l'usure. وَوَعَذَكَ مَنْ يَعِذُكَ مِنْ نَسِ. Et que quelqu'un, yani, t'a fait un rappel, il t'a exhorté à ce que tu délaisses le haram. وَتَرَكْتَ ذَلِكَ. Et que, alhamdoulilah, tu as délaissé le haram. وَلَكِنَّكَ بَقِيْتَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنَ مَا وَجَدْتَ رَبْحًا. Ensuite, tu es resté un mois ou deux mois maintenant sans rentrer ni bénéfice. Rien. Il a dit, فَلَا تَيْأَسْ. Ne désespère pas. وَلَا تَقُلْ أَيْنَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْتُ لَا أَحْتَسِبْ. Et ne dis pas, où est, naam, où est ce qu'a dit Allah Ta'ala dans le Coran, où est ce qu'a dit Allah Ta'ala dans le Coran, qu'il donne de la façon dont je ne m'y attendais pas. Où est ça? Non, je n'ai rien vu. Où est le verset? Pourquoi le verset ne s'applique pas? Il a dit, Cheikh Rahimahullah, bel intadir. Par contre, patiente. Et attends. Wa thiq bi wa'dillah. Et confiance dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saddiq bi. Et crois en ses promesses. Wa satajidu. Et bi idnillahi ta'ala, tu auras la récompense. وَلَا تَتَعَجَلْ. Ne te précipite pas, ne te hâte pas. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. C'est pour ça qu'il y a dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit alayhi wa sallam, يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِّلْ يَقُولْ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. Ala Sheikh al-Albani Sahih. Anzur 8085 fi Sahih al-Jami'. Le prophète Aslam a dit, il sera exaucé à l'un de vous tant qu'il ne se hâte pas et dise, j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. Allahu Akbar. Regardez, le prophète Ali sallam, il ne dit que la vérité. Il a promis, il a dit, il sera exaucé à l'un de vous. Naam, il sera toute personne qui fait des doigts sera exaucé. Bien sûr, si elle a rempli les conditions, mange pas le haram, etc. Il a dit, à condition, tant qu'il ne fasse pas, quoi, une chose, c'est quoi? Tant qu'il ne se hâte pas et dise, j'ai invoqué, je n'ai pas été exaucé. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Naam. Il fait la chose, ensuite il attend. Quand il n'y a pas de réponse, il dit, subhanallah, plusieurs fois j'ai invoqué, je n'ai pas été exaucé. Dès que tu dis cette phrase, ça veut dire que tu as annulé, naam, tu as annulé tes doigts. C'est comme si tu n'avais pas annulé. Et encore, si on n'a pas de péché, c'est déjà bien. Si la personne n'a pas de péché, pour avoir dit cette phrase, c'est déjà bien. Car en disant cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si tu voulais dire, ou bien, donc, la promesse est fausse, astaghfirullah, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, m'a menti, et si une personne dit comme ça, elle devient kafir, ou bien, yani, c'est comme si la personne, yani, voulait dire que c'est elle qui commandait. Non, moi je commande. Moi j'ai fait des doigts, il faut qu'il exauce. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, la mukriha lahu, personne ne le commande, ni ne l'oblige, ni lui donne des ordres pour exaucer et ou alors pour choisir le moment de quand est-ce qu'il exauce. Naam. Tayyib, le cheikh dit rahimahullah, fantadir, il a dit fasbir, patiente, watruk mahram Allah alayk, et délaisse que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, wantadir faraj, et attends, yani, al faraj. Attends, inshallah ta'ala, l'issue, ou le risque, et attends la pourvoyance, la subsistance, min haytou la tahtasib, de la façon dont tu ne t'y attendais pas du tout. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il va citer ici un autre verset, le verset, cinquième verset et dernier. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dhul fadli al-azim. C'est le verset qui va suivre ici. Naam. Ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-azim. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. C'est un nouveau verset qui parle de quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est pieux que lui donne Allah ta'ala aussi. À part que il lui donne ses dons de la façon dont il ne s'attendait pas, etc. Qu'est-ce qu'il lui donne aussi? Ici il a dit, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Ensuite, vous effacera vos méfaits, les péchés. Troisièmement, il vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Le Cheikh Rahimallah dit, هذه ثلاث فوائد عظيمة. Le Cheikh dit, il y a ici dans ce verset trois intérêts, trois grands intérêts énormes. Premier intérêt, يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا. Donc, parmi les récompenses et les intérêts de la piété, premièrement, le discernement entre le bien et le mal. Allahu Akbar. Quand quelqu'un est pieux, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la première récompense, le premier fruit avec lequel il le gratifie, c'est quoi? Il lui donne un discernement entre le bien et le mal. Le Cheikh dit, rahimahullah, Ey, yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bayna al-haq wa al-batil. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une chose, yani qui sera dans ton cœur, bien sûr, avec laquelle tu peux discerner entre le juste et le faux. Wa bayna ad-dar wa an-nafi', et entre le bénéfique et le nuisible. Wa hadha yadkhulu fi al-'ilm. Comment la personne va discerner? Comment autrefois, yani, elle ne faisait pas de différence entre le vrai et le juste et le bénéfique et le nuisible. Ou alors même au contraire, le vrai elle le prenait pour le faux, le bénéfique elle le prenait pour nuisible, le nuisible pour bénéfique, et comme ça. Et maintenant, alhamdoulilah, elle commence à discerner. Comment ça vient ce discernement? Premièrement, c'est le fruit de la piété, comme on vient de dire, le fruit de la crainte d'Allah. Mais c'est quoi, quelque chose qui descend du ciel? Le cheikh dit, وَهَدَ يَتْخُلُ فِيهِ الْعِلْمِ. Et ça, ça vient de par quoi? De par le biais de la science. De la science. بِحَيْتُ يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَى الْإِنسَانِ مِنِ الْعُلُومِ مَا لَيْفْتَحُ عَلِي غَيْرِهِ. Il a dit, car Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un le craint et est pieux, il va lui ouvrir des portes vers la science. Alors que ces portes-là, il ne va pas les ouvrir vers à d'autres personnes qui ne sont pas pieuses. Mais cette personne qui le craint et qui est devenue pieuse, Allah subhanahu wa ta'ala va la gratifier. Entre autres, il va lui ouvrir la porte de la quête de la science. Autrefois, cette personne s'en foutait. Elle cherchait pas la science. Elle passait son temps en face de la télé. Ou bien en courant dans la rue à droite, à gauche, dans des choses qui font beaucoup plus mal que de bien. Maintenant, elle est intéressée par la quête de la science. Elle veut apprendre sa religion. Elle veut apprendre des hadiths. Elle veut apprendre le Coran. Il a dit, فَإِنَّ التَّقْوَى يَحْصُلُ بِهَا زِيَّدَةُ الْهُدَى. Il a dit, car la piété et la crainte d'Allah, naam, ça donne quoi? Ça donne entre autres, il a dit, زِيَّدَةُ الْهُدَى, l'augmentation de la guidée. وَزِيَّدَةُ الْعِلْمِ, l'augmentation de la science. وَزِيَّدَةُ الْحَظِّ, et l'augmentation de la faveur. Là, maintenant, tu es plus rapproché d'Allah que les autres, que celui qui n'est pas pieux. Là, tu es mieux classé que les autres. Tu es en haut, ils sont en bas. Là, par rapport au classement. وَلِهَذَا يُذْكَرُ عَنْ الشَّافِعِ رَحِمَ اللَّهِ. Il a dit, c'est pour ça qu'on rapporte, d'après l'imam Shafi'i رَحِمَ اللَّهِ, comme quoi il a dit. Il a dit, شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعِ سُوَا حِفْدِ. Il a dit, je me suis plaint auprès de Wakia. Wakir, son professeur. Je me suis plaint auprès de Wakir quant à ma mauvaise mémorisation. Je veux apprendre, c'est difficile. Je ne peux pas apprendre les textes, etc. Fa arshadani. Alors il m'a orienté et conseillé, il a tarkil ma'asi, à ce que je m'éloigne des péchés. Je me suis plaint auprès de mon professeur pour ma mauvaise mémorisation. Il m'a orienté vers quoi? Le délaissement des péchés. وَقَالَ اِعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٍ. Et il m'a dit, sache que la science est une lumière. وَنُورَ اللَّهِ لَا يُتَعُ عَاسِ. Et que la lumière d'Allah, il ne la donne pas à quelqu'un qui désobéit. Allahu Akbar. Donc, il lui a dit, si tu veux mémoriser vite le Coran, les hadiths, etc., qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu saches que cette science, c'est pas une philosophie. C'est pas la philosophie de Marx ou de Engels ou de je ne sais pas qui. Ça, c'est pas humain. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une lumière. C'est une lumière. Alors, maintenant, si tu sais que c'est une lumière, sache que Allah ta'ala ne donne pas cette lumière à quelqu'un qui lui désobéit. Quelqu'un qui lui désobéit, il lui donne pas cette lumière. Et vous-même, subhanallah al-adhim, vous avez remarqué peut-être, tout le monde remarque ça. N'importe qui a, yani chaque personne qui a un petit discernement dans le cœur, elle remarque que quelqu'un qui n'est pas pieux, non, quelqu'un qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas être savant. Non, même quand il parle, juste commence à parler, tu ne veux pas l'écouter, tu ne veux pas l'entendre. Pourquoi? C'est quelqu'un qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah l'adhim, même si tu ne connais pas la personne, et subhanallah l'adhim, tout à fait le contraire. Quand quelqu'un est pieux, subhanallah l'adhim, et qu'il parle yani, dans le din, tu voudrais l'écouter même si tu ne connais pas et même s'il a juste un petit ilm. Pas beaucoup d'ilm, mais le mohim, il ne fait pas les bidas, mais il a juste yani, son niveau et moyen. Mais masha'Allah, subhanallah l'adhim, tout ce qu'il dit, ça rentre dans ton cœur. Pourquoi? C'est une lumière qui sort aussi de sa bouche. C'est une lumière qui sort de sa bouche. طيب, voilà, il a cité ici, شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعِ سُوَا حِفْضِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي. Le Cheikh رحمه الله, Cheikh بن عثيمين dit, وَلَا شِكَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ كُلَّمَا ازْدَادَ عِلْمًا ازْدَادَ مَعْرِفَةً. Le Cheikh dit رحمه الله, et il n'y a pas de doute que à chaque fois que la personne augmente de science, yani, elle doit augmenter aussi de connaissances. La science, c'est quoi? À chaque fois que il y a la science, à chaque fois que tes connaissances s'approfondissent. وَزْدَادَ فُرْقَانٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Donc, à chaque fois qu'il y a la science, on approfondit ses connaissances. Et à chaque fois qu'on approfondit ses connaissances, c'est le discernement qui grandit. Le discernement entre le vrai et le faux, entre la bid'a et la sunna, entre le bénéfique et le nuisible. Ce discernement commence à grandir. Naam. Car même le discernement, il diffère d'une personne à l'autre, d'une personne pieuse à l'autre. C'est pas toutes les personnes pieuses, elles sont pas toutes dans le même statut, le même degré, le même échelon. Non, mais il y en a qui est vraiment, il y en a moyen, il y en a comme ça. Donc le discernement grandit ou bien devient petit d'après la piété. Combien tu as de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit وَكَذَلِكَ يَدْخُلُوا فِيهِ مَا يَفْتَحَ اللَّهُ الْإِنْسَانِ مِنْ الْفَمِ. Il a dit ça rentre aussi dans la piété et dans ce que donne Allah Ta'ala comme discernement, ça rentre ce que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre à la personne comme compréhension. Naam, il a dit لأن التقوى سبب لقوة الفهم. Il a dit car la piété est une cause pour la forte compréhension. Plus tu es pieux, plus mashallah tu comprends vite, car tu as le discernement. Naam, vite tu comprends la chose. Quand je dis comprendre, bien sûr c'est dans le din, comprendre dans le din. C'est pour cela que tu peux trouver une personne vraiment pieuse dans le din, elle comprend tout, mais elle ne comprend pas la mécanique, elle ne comprend pas l'agriculture et des choses comme ça, qui sont des choses de la dunya. Nous on parle de les textes scriptuaires, le Coran et la Sunna, et les règles du fiqh, etc. Il a dit, فَإِنَّكَ تَارَ الرَّجُلَيْنِ يَحْفَظَانِ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. Il a dit, le shir, c'est pour ça que tu trouves deux personnes. Les deux apprennent, par exemple, connaissent par cœur le même verset. Ou bien disons la même sourate. Une petite sourate, par exemple. Il a dit, يَسْتَطِعُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْتَخْرِجَ مِنْهَا ثَلَثَةَ أَحْكَامِ. L'une des deux personnes du même verset, il peut déduire trois règles. D'un verset, il te déduit trois règles ou bien trois intérêts. Wa istati' al-akhar, et la deuxième personne du même verset peut déduire quatre règles. Une autre personne peut déduire cinq règles de ce verset. Une autre personne dix règles. Naam. Alors que le premier, peut-être, il ne peut déduire qu'une seule règle. Pourquoi ? C'est d'après le discernement que Allah Ta'ala a donné à cette personne et la compréhension. Est-ce que sa compréhension est forte d'après la piété qu'il a ou bien sa compréhension est faible ? Naam. C'est pour cela, comme je vous ai dit une fois, on va prendre par exemple le verset la sourate la plus courte, par exemple. قل هو الله احد ou bien تبت يدا بلهب. Vous la donnez à quelqu'un qui est pieux, qui est mashallah savant, il va écrire un livre de 500 pages pour expliquer cette sourate. Il vient un autre, il va écrire deux ou trois pages, pas plus. Il vient un autre, une page, il dit c'est tout ce que je peux expliquer. Un autre, quelques lignes, c'est tout. Et comme ça. D'après quoi ? D'après le discernement et la forte compréhension, la grande compréhension que Allah Ta'ala lui a donnée à cause de la piété qu'il avait. Ensuite le shir dit wa yadkhulu fi hada aydan, c'est-à-dire rentre aussi parmi les fruits de la piété. On avait dit qu'il donnait le discernement, qu'il donnait une forte compréhension. Maintenant on est en train de parler de ilm. Il a dit ça rentre aussi el firasa, l'intuition. Il a dit même l'intuition, ça rentre dans quoi ? Ça rentre dans le fait qu'elle soit un fruit de la piété. Mais attention, intuition, qu'est-ce que ça veut dire intuition ? Il faut qu'on soit d'accord sur le terme. En arabe, ça s'appelle firasa. En français, peut-être intuition. On va voir, je vais expliquer, vous allez voir si c'est ça ou pas. Ce qu'on appelle un peu le sixième sens. Il a dit par exemple, Inna Allah yu'ati al-muttaqi firasatan. يُمَيِّزُ بِهَا حَتَّى بِنَ النَّسِ. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala donne à la personne pieuse une intuition qui peut même l'aider à différencier entre les gens. فَبِمُجَرَّدِ مَا يَرَى الْإِنسَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ كَذِبُ صَدْرِ. Il a dit, au point où certains gens, Allah ta'ala leur a donné cette intuition, bien sûr, qui est le fruit de la piété, il a dit au point où, quand il voit une personne, il discerne. Ils savent si cette personne est véridique ou bien cette personne est une hypocrite ou bien une menteuse. Ou annahu birr ou fajir. Naam, il a dit, même d'autres, de certains savent en voyant une personne, si c'est une personne par exemple bienfaisante ou bien c'est une perverse, cette personne. Hatta innahu rubbama yahkumu 'ala ash-shakhs wa huwa lam yu'ashirhu wa lam ya'rif 'anhu shay'an bisabab ma ata'a Allah ta'ala min firasa. Il a deux points que certains peuvent même porter des jugements sur une personne, et dire voilà cette personne, par exemple il ne faut pas la suivre, c'est pas une bonne personne, ou bien cette personne est mashallah, je vous conseille de la suivre, il a dit, juste par intuition. Il a dit, c'est un fruit que Allah Ta'ala donne à certains gens comme fruit de piété. Et rentre aussi parmi les fruits de la piété. Ma yahsul lil muttaqin min karamat. Il rentre aussi parmi les fruits de la piété que Allah Ta'ala donne, c'est qu'il donne des fois des prodiges et des miracles, naam, à certaines personnes, naam, sans en donner à d'autres. Il a dit au min dhalika. Et comme exemple, par exemple, comme exemple, ce que Allah Ta'ala a donné comme miracle ou un prodige, ce qui est arrivé à beaucoup de compagnons et de tabi'in, de leurs enfants. Il a dit par exemple, par exemple une fois Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il était sur le mimbar à Médine, sur le mimbar, en train de faire le prêche du vendredi. Tout d'un coup, on l'a entendu dire, fi atna il khutba, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Sariya al-Jabal, Ya Sariya al-Jabal. Sariya, c'est une personne, un sahabi qui s'appelle Sariya, Sariya ibn Zanim. Et Omar ibn Khattab a commencé à l'appeler sur le mimbar. Il a arrêté le Jumu'a, il a dit, Ya Sariya, oh Sariya, oh Sariya, il s'appelle Sariya, oh Sariya, oh Sariya. La montagne, ça veut dire, yani, cache-toi derrière la montagne, ou bien, et recours à la montagne. Fata'ajabu man yukhatib. Alors, les sahabas se sont étonnés. Il est en train de parler avec qui? Sariya n'est pas là. Sariya, il est parti en expédition. Ensuite, comment il dit ça pendant la khutbah? Pendant la khutbah, yani, on apprend aux gens, yani, la arida, etc. Comment il est en train de parler avec quelqu'un comme ça à voix haute? Il a dit, فَإِذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَدْ كَشَفَ لَهُ عَنْ سَرِيَا. Alors que la vérité c'était quoi? C'était que Omar al-Khattab avait envoyé Sariya, cet homme-là, comme chef d'expédition vers l'Irak. Et quand il est arrivé là-bas en Irak, les ennemis, pour les combattre bien sûr, les ennemis l'avaient assiégé. Et maintenant, yani, il n'avait plus de solution. Comment faire, yani, pour yani, refouler leur mal? Alors, Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala, sur le mimbar, Allah Ta'ala, la quoi, lui a donné cette faculté de le voir là-bas en Irak. Naam, de le voir là-bas en Irak, assiégé par les ennemis. Et, du mimbar, il lui a crié, « Oh Sariya, assiège-toi, Afwan. » Et recours à la montagne. C'est-à-dire, yani, ne laisse pas l'ennemi te venir par le dos. Yani, compte ton dos, toi et tes soldats contre la montagne. Le Cheikh dit, Rahmallah, fait keshaf Allah li Omar an hadi Sariya, ka'annama yushahidwa. Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Omar radiallahu ta'ala anhu ce bataillon qu'il a envoyé en Irak. C'est comme s'il le voyait devant lui avec ses yeux. Au point où il a dit à son chef, il lui a dit, Ya Sariya al-Jabal, Ya Sariya, attention, et recours à la montagne. Il a dit, Fasami'ahu Sariya wa huwa al-qa'id bil Iraq. Il a dit, Sariya l'a entendu crier, subhanallah al-azim, alors que Omar était à Médine et l'autre était en Irak. Il a dit, Thumma ihtasama bil Jabal, alors il a eu recours à la montagne, il a dit, et tout ça, ça rentre dans quoi? Il a dit, ça rentre dans la piété. Naam. Si quelqu'un maintenant, tu vas lui raconter ça, naam, yani, il va pas te croire. Il va lui dire quelqu'un, yani, nous, il a parlé avec quelqu'un de milliers de kilomètres, il l'a vu, il lui a parlé. Disons, même s'il l'a pas vu, il n'a pas vu comment on voit quelqu'un à la télé, mais du moins il a senti dans son cœur d'une façon absolue, d'une façon qui ne peut être démentie. C'est un peu ce qu'on appelle de nos jours, on appelle ça la télépathie, n'est-ce pas? On appelle ça la télépathie. Ils disent que yani, je peux parler à quelqu'un qui est à des centaines de kilomètres ou bien je ne sais pas quoi. On lui dit, c'est possible. On lui dit, c'est possible. Mais à condition que tu sois quoi? À condition que tu sois quelqu'un comme Omar Ibn Khattab. Si tu as un cœur comme celui d'Omar Ibn Khattab, naam, on ne va pas te démentir. Mais si tu es quelqu'un, il y a un sorcier ou un magicien, quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui boit de l'alcool, qui se drogue, ensuite tu vas nous dire, je peux parler avec quelqu'un à des milliers de kilomètres, on va dire, ce n'est que ton shaitan qui parle, et ce n'est que ton djinn qui parle. Mais cher, ce n'est pas une intuition qu'il a, plutôt une vision, non? Naam. Ce n'est pas une... D'après Cheikh Rahimahullah, il a dit qu'il a vu. Il a dit que c'est une vision. D'après Cheikh Rahimahullah. Moi, j'ai dit, au moins, si ce n'est pas une vision, au moins, c'est quelque chose dans le cœur. D'après Cheikh, il a dit que c'est une vision. Moi, je dis, pour rappeler, certains vont dire, yani, comment Omar, il a pu faire ça. On va dire, il faudrait d'abord connaître Omar Ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Il faudrait connaître et savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi de lui? A dit, dans toutes les nations, il y a des gens qui ont l'intuition. Et c'est-à-dire, s'ils se parlent une chose dans le cœur, ils pensent à une chose dans le cœur, elle s'exauce. Elle vient en vérité comme ils ont pensé dans le cœur. Il a dit, dans toutes les nations, il y a des gens comme ça. Il a dit, s'il y a dans ma nation, c'est Omar. Allahu Akbar. S'il y a dans ma nation, il a dit, c'est Omar, Muhaddath. Il a dit, كل أمم لا محدثون فإن يكون في هذه الأمة فعمر. Donc le professeur lui a donné déjà une tazkiya de son vivant, comme quoi c'était quelqu'un qui avait cette intuition. Ensuite, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, Cheikh Al-Albani a dit sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y a quelqu'un, non, il a dit, s'il y a quelqu'un qui serait prophète après moi, ce serait Omar. S'il y a quelqu'un qui serait prophète après moi, ce serait Omar. Et pourtant, il n'a pas dit Abu Bakr. Et Al-Sunnah al-Jama'a disent que Abu Bakr est mieux que Omar dans la piété et aussi dans la science. Dans la science et dans la piété. Malgré cela, le prophète Sam a dit, s'il y a un prophète après moi, ce serait Omar. Pourquoi? Peut-être aussi à cause de cette chose. Car les messagers, vous savez, pour être messager, yani, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut remplir au moins 46 conditions. Entre autres, il y en a par exemple, avoir l'intuition. Peut-être que Abu Bakr Siddiq n'avait pas cette chose et que Omar l'avait. C'est ce qui le faisait, le rendait apte à être prophète, si c'était possible. Mais alors que bien sûr, ce n'est pas possible. Al-Muhim, le Cheikh dit, Al-Muhim, l'essentiel, c'est que tu saches que min athar taqwa, que parmi les fruits de la piété et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, que Allah subhanahu wa ta'ala donne un discernement, furqan, yufarriqu bihi bayna al-haqq wal batil, qui te permet de quoi? De différencier entre le juste et le faux, wa bayna al-birr wal fajr, entre la personne bienfaisante et entre la personne qui est perverse, wa bayna ashiya katira la tahsul illa lil muttaqin, et qui te permet de discerner entre beaucoup de choses qui n'arrivent qu'au pieux. Donc, je reviens marche arrière, je dis, dans ce verset, le verset qu'on avait cité, Allah subhanahu wa ta'ala avait cité qu'il y avait quoi? Qu'il y avait trois fruits. Je répète d'abord le verset. Est-ce qu'il est le verset? Voilà. Oh, vous qui croyez, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, il vous accordera la faculté de discerner. Ensuite, effacera vos méfaits, et ensuite vous pardonnera. On avait dit que les récompenses de la piété, la première récompense, c'est quoi? Le discernement entre le bien et le mal. Le deuxième, Parmi les récompenses de la piété, il vous effacera vos méfaits. Vous voyez en haut et en bas. Il vous effacera vos méfaits, c'est-à-dire effacera vos péchés. Vos méfaits ou bien vos péchés, c'est toutes les choses mauvaises que vous avez faites. Le Cheikh dit, rahimahullah, wa takfir siyyat, et l'effacement des méfaits, des péchés, yakun bil a'mal saliha, se fera de sorte que Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera à ce que tu fasses de bonnes œuvres. Car les bonnes œuvres, comme vous savez, qu'est-ce qu'elles font? Elles effacent les méfaits et les péchés. فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُكَفِرْ سِيَّئَةً. La bonne œuvre expie le péché. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. Je vais citer d'abord le hadith. Le hadith, il a dit, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةُ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ رواه مسلم. Le prophète Hassan a dit, les cinq prières et la prière du vendredi jusqu'à celle de l'autre vendredi et le ramadan jusqu'à l'autre ramadan sont des expiations entre elles si les grands péchés sont délaissés. Ça c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cinq prières entre elles sont des expiations. Et le subh, ensuite tu fais des fautes, ensuite tu vas prier dehors, ça va expier tout ce que tu as fait entre subh et dehors, à condition que tu n'aies pas fait un grand péché. Ensuite, quand tu fais l'asr et tu fais des fautes, ensuite tu vas prier maghrib, ça va expier, ça va t'enlever les fautes qu'il y a eu entre asr et maghrib, à condition que tu n'as pas fait un grand péché. Ensuite, quand tu fais maghrib et que tu fais des péchés, et tu pries l'Isha, ça va t'effacer ce que tu as fait comme faute après le Maghreb, à condition que tu n'as pas empêché. La même chose pour le vendredi, quand tu fais Salat al-Jumu'ah, jusqu'à l'autre Jumu'ah, ça t'enlève tous les péchés que tu fais à condition que ça soit un grand péché, ça soit pas. La même chose pour le Ramadan, c'est Ramadan. Ensuite, jusqu'à l'autre Ramadan, ça efface les péchés à condition que tu ne fasses pas de grands péchés. Naam. Le Cheikh dit rahimahullah. Fait le kafara idan, l'expiation se fait par quoi? Par les bonnes œuvres. Wa hada ya'ni anna al-insan idha taqa Allah sahala lahu al-a'mal as-salihah allati yukaffiru Allah biha 'anhu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider à ce que tu fasses les causes. Les causes c'est quoi pour effacer les péchés? Bonnes œuvres. Firasa, c'est traduit par perspicacité. Non, mumkin, mais c'est pas très dans le contexte. Perspicacité, on est perspicace, on est dans certains mawaqif, mais ce n'est pas dans le contexte où Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Moi, vous avez compris ce que je veux dire par firasa. Vous avez compris par firasa, quand je vois quelqu'un ou quelque chose dans mon cœur, etc., et ça tombe juste. Je disais que quand quelqu'un est pieux, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à ce qu'il fasse quoi de bonnes œuvres. Et en faisant de bonnes œuvres, il t'a aidé à ce que, subhanallah l'adhim, à ce que tu annules tes péchés. Et quand quelqu'un n'est pas pieux, est-ce qu'Allah ta'ala il l'aide à ce qu'il fasse de bonnes œuvres? Au contraire, il laisse le shaitan l'égarer davantage. Et il ne fera que de mauvaises choses. Donc il n'expiera jamais ses péchés, a'udhu billah. Donc c'était le deuxième quoi? Le deuxième intérêt. Je répète les intérêts. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Naam, une seconde. Les récompenses de la piété. Le premièrement, discernement entre le bien et le mal. Deuxièmement, il vous effacera vos péchés. Et troisièmement, il vous pardonne. Le Cheikh rahimahullah dit, vous pardonne bien yuyissira لكم الاستغفار والتوبة. Il te facilite la demande du pardon et il te facilite le repentir. Quelqu'un est pieux, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à ce qu'il croit, à ce qu'il demande le pardon et à ce qu'il fasse le repentir. Naam, quand quelqu'un est pieux, dès qu'il se trompe, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Et vite il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un n'est pas pieux, il fait une faute, Allah Ta'ala ne l'aide pas. Il laisse comme ça. Mieux, pire encore, il laisse le shaitan contre lui. Naam. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pieux. Il a vu dans son cœur qu'il ne voulait pas revenir vers Allah. Mais plutôt qu'il voulait se noyer dans ses tentations. Alors Allah Ta'ala lui dit, puisque tu aimes cela, alors fais cela. Faire cela, quand tu veux, tu mourras, tu vas voir que tu vas regretter. Naam. Quant au pieux, dès qu'il fait une faute, Allah subhanahu wa ta'ala sait que yani cette personne yani regrette. Il voit ce danger et qu'il ne voudrait pas continuer dans ce chemin. Alors il l'aide à demander pardon et à faire le repentir, subhanallah al-azim, pour qu'il lui pardonne. Le cheikh dit, « Wa min al-bala'i lil-abd » Il a dit « Par contre », écoutez bien ce qu'il dit ici. « Par contre, par... » Ça rentre dans les épreuves. Ça rentre dans les épreuves. Je dirais même dans la punition. Ça rentre même dans la punition. « An yadhunna al-abd anna ma kana alayhi min al-dhunub laysa bidhan » Allahu Akbar. Il a dit « Ça rentre dans les épreuves. » Je dis, moi j'ajoute, et même dans la punition, ça rentre dans la punition, que la personne qui vient de faire la faute ne sente pas qu'elle vient de faire une faute. Allahu Akbar. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah dit, parmi les plus grands châtiments que Allah Ta'ala puisse donner à celui qui fait des péchés dans cette vie, c'est quoi? C'est de ne pas lui faire sentir qu'il a fait une faute. Car si Allah Ta'ala ne te fait pas sentir que tu as fait une faute, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas croire que donc tu es dans le bien et que tu es masha'Allah. Donc c'est pas la peine de regretter. Donc on va prendre par sens opposé, que quand Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, s'il fait une faute, il lui montre qu'il a fait une faute. Pourquoi? Pour qu'il revienne vers lui et lui absoute son péché. Vous avez compris? Donc si quelqu'un fait une faute et fait des péchés et croit qu'il est masha'Allah, ça veut dire que c'est grave pour lui. Allah Ta'ala lui a renversé son cœur, a'oudou billah. Comme ça, il ne peut jamais venir vers Allah subhanahu wa ta'ala et revenir. Pourquoi? Car pour revenir, il faut que tu sentes que tu as fait une faute. Toi, tu ne sens pas. C'est un peu comme le mubtadi', l'innovateur. Pourquoi le prophète sultan m'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait mis un voile entre lui et le mubtadi' jusqu'à ce qu'il délaisse la bid'a? Pourquoi? Car le mubtadi' croit et sent qu'il n'a pas fait de faute. Et ce qu'il dit, c'est lui qui a raison. Et que tous les autres sont dans l'erreur. Et que c'est lui le seul détenteur de la vérité. Donc dans ce cas, c'est très difficile pour un mubtadi' de revenir vers le haq. Est-ce que vous connaissez des mubtadi' qui sont revenus vers le haq? Vous connaissez yani un prêcheur des ahbash par exemple qui est revenu vers le haq? Jamais ils ne reviennent. Pourquoi? Il dit dans son cœur, c'est moi qui suis dans la vérité. C'est les salafs et les wahhabites qui sont dans l'égarement. Naam, il dit de nous comme ça. Donc, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié dans cette vie. Il ne veut pas le laisser voir la vérité pour qu'il revienne. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Ensuite, il a cité le verset qui prouve cela. Regardez le verset qui vient. Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قل هل أنبئكم قل هل ننبئ بالأخسرين أعمال. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Naam. Voulez-vous savoir c'est qui les gens les plus perdants en œuvre? Réponse: ce sont الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ce sont qui? Ce sont ceux qui dans la vie présente, leurs œuvres sont vaines à Billah, alors qu'ils s'imaginent qu'ils font du bien. Allahu Akbar, c'est très important. Ceux qui, dans cette vie, qu'est-ce qu'ils font? Leurs œuvres sont vaines. Elles sont contradictoires au Coran et à la Sunna. Ce sont des bid'ah, ce sont des péchés, ce sont du shirk. Alors qu'ils s'imaginent qu'ils font du bien. Allahu Akbar. S'ils s'imaginaient qu'ils étaient en train de faire du mal, ce serait quoi? Ce serait un grand cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il veut t'aider. Mais ici le problème, il te laisse imaginer croire que tu es en train de faire du bien. Donc est-ce qu'il y a une personne qui va faire la tawba, il va regretter? C'est pas possible qu'elle regrette. Comment peut-elle regretter alors que pour elle est en train de faire du bien? Non, comment regretter? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit afwan Cheikh Ibn Uthaymin a dit fa kathirun min an-nas la yaqla'u 'an dhanb. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrêtent jamais de faire des péchés et continuent à faire le péché. Il a dit pourquoi? لأنه زين له العياذ بالله car أعوذ بالله il lui a été embelli. Naam, naam, ce péché lui a été embelli, enjolivé à ses yeux. فألفه il s'y est habitué, خلاص. Il s'est habitué à ce péché qui lui paraît quoi? Joli, beau à ses yeux. وصعب عليه أن ينتشل نفسه. Même il lui est devenu quoi? Incapable, il est devenu incapable de sauver sa peau, خلاص. Naam. Quel est le, si quelqu'un va dire, quel est le délil que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, des fois, il embellit à la personne le péché. Il lui embellit, bien sûr, par l'intermédiaire du shaitan, il laisse le shaitan le lui embellir. Quel est le délil? Le délil, regardez le délil qui va venir. Regardez, Allah ta'ala dit dans le Coran, regardez ce verset. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فإن الله يضل من يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Regardez ce qu'a dit Allah Ta'ala. Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle, est-ce qu'il est comme ce que Allah Ta'ala a guidé? Question, bien sûr. Réponse, mais Allah Ta'ala égare qui il veut, guide qui il veut. Celui à qui, Allah Ta'ala dit, dites-moi, celui à qui on a enjolivé, embelli son péché, au point qu'il le voit beau, il voit que son péché est beau. Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est comme une personne que j'ai guidée? Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala dit aussi, c'est pas celui-là, une seconde, un autre verset. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit aussi, non, dans le même sens, même contexte, il a dit, فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ مَنْ زُوِيْنَ لَهُ سُوْ عَمَلِهِ وَتَّبَعُ وَهَمْ. Il a dit, est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à celui dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Dites-moi, Allah Ta'ala dit, dites-moi, est-ce que celui qui se base sur une preuve claire, est-ce que celui qui est sur la clairvoyance, Naam, qui vient de son Seigneur, est comparable à celui dont on a embelli, écoutez bien, on a embelli ses mauvaises actions. Et quelqu'un auquel Allah Ta'ala a embelli ses mauvaises actions, qu'est-ce qu'il va suivre? Le Qumma. Il va suivre les passions, c'est pour ça qu'il a dit, et qui ont suivi leurs propres passions. Ont suivi leurs propres passions. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserver. Le shikh dit, lakin, il a dit, mais si la personne est quoi? Si la personne est pieuse, et taqillah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et Allah Ta'ala va l'aider à ce qu'elle s'éloigne des péchés. Naam, à ce qu'elle s'éloigne des péchés. Et il va même l'aider à ce qu'elle fasse de bonnes œuvres pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Tout cela, il a dit, à cause de quoi? À cause de la piété. Regardez que ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur les gens de Badr. Les gens de Badr. Il a dit, Inna Allah qala ala ahli Badr, faqal i'malu ma shi'tum, faqad ghafartu lakum. Naam. Allah a vu les gens de Badr et a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Pourquoi ce hadith qui se trouve dans Sahih al-Jami' numéro 1719, c'est quoi son contexte? Pourquoi il a été dit? Il a été dit car une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire disons une bataille. Naam, il voulait aller vers des gens yani pour les combattre. Il y avait un sahabi qui s'appelle Ibn Abi Balta'a. Naam, Ibn Abi Balta'a, le fils de Balta'a, j'ai oublié son prénom. Hatib, voilà, il s'appelle Al-Hatib, là je me suis rappelé. Hatib ibn Abi, qu'est-ce qu'il a fait? Un sahabi. Il a écrit au kuffar. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir pour yani vous combattre. Peut-être même qu'il a cité, peut-être quand est-ce qu'il va venir. Al-Muhim, il les a avertis. Et a envoyé, comme ça disons, un message avec une femme. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril au prophète Aslam pour l'avertir. Et le prophète Aslam a envoyé Ali ibn Zubair, Zubair et deux autres personnes, trois en tout, entre autres Ali son gendre. Il les a envoyés, il leur a dit, allez, ma femme, vous la rencontrerez dans tel endroit, qui s'appelle Khoura. Dites-lui qu'elle, enlevez-lui le message, enlevez-lui la lettre qu'il a envoyée au kofar. Ils sont allés derrière elle, ils l'ont rattrapée exactement à l'endroit qu'a ce prophète Hassan qui s'appelle Khoura. Ils lui ont dit, donne-nous le message, la lettre que tu dois envoyer, tu dois montrer au kofar. Elle a dit, j'ai pas de lettre. Alors Ali radiallahu ta'ala lui a dit, ou bien tu donnes la lettre, ou bien on t'enlève tes vêtements, on te dénude. Alors elle a tiré la lettre de ses cheveux. Vous savez, une femme, quand elle a beaucoup de cheveux, elle les met à l'intérieur, elle les met comme ça, comme des trucs. Et on ne peut pas trouver à l'intérieur de ses cheveux, les tresses. Et elle a donné la lettre, et les sahaba sont revenus avec la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le sahabi a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ça, il lui a dit, ya Rasulallah, une seconde, laisse-moi t'en parler, wallah, je n'ai pas apostasié, ni j'aime les kofars, ni j'aime les kofars, mais seulement j'ai pensé que les sahaba, la plupart, ont de la famille là-bas chez les kofars que tu vas combattre, et moi je n'ai personne là-bas. Si jamais ça dire il se passe quelque chose et ce sont eux par exemple qui ont la victoire, donc je serai perdant, alors que les autres sahaba, ils ont la famille là-bas, ils peuvent les accueillir, etc. Omar al-Khattab a dit c'est l'endroit où ils ont rattrapé la femme, Raudat Khar. Moi j'ai dit Khoura quelque chose. Omar al-Khattab, dès qu'il a entendu ça, il a dit à Rasulallah, laisse-moi frapper son cou d'un coup d'épée. C'est un munafiq, hypocrite. Il envoie au kuffar pour leur dire que voilà ce qui va se passer. C'est un espion. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que je viens de citer ici. Naam, il a dit, c'est pas celui-là, j'ai cité ici en français, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est à Al-Badr? Al-Badr, une seconde. Voilà, il a dit ça. Il a dit, Allah Ta'ala a vu les gens de Badr. Pourquoi? Parce que ce sahabi qui a fait ici de l'espionnage, c'est quelqu'un qui a participé à la première bataille qui s'appelle Badr. La première bataille. Donc, le prophète Hassan lui a dit, certes, cette personne mérite qu'on lui coupe le cou. Car il n'a pas dit à Omar, pourquoi tu lui coupes le cou? Il lui a dit, non, arrête. Mais cette personne a participé à Badr, à la bataille de Badr. Et Allah Ta'ala a vu, c'est-à-dire les gens de Badr, a vu leur cœur. Et il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc cette personne, on ne lui coupe pas son cou, on lui pardonne. On lui pardonne car Allah Ta'ala a pardonné aux gens de Badr. C'est-à-dire tellement ceux qui ont participé à cette première bataille, tellement Allah Ta'ala a élevé leur statut. Comment? Ils ont laissé leur famille. Ils étaient nombreux, 300 contre 3000. Ils sont sortis pour combattre, n'ayant peur de personne, voulant seulement Allah et son paradis. Pour la première bataille, celui qui a participé, vraiment, c'est pas quelqu'un comme qui a participé à la deuxième ou troisième bataille. S'il n'a pas participé à la première, celle de Badr. Naam. Car il se peut que la deuxième bataille, tu vas dire, naam, les premiers m'ont encouragé, donc moi je vais y aller. Naam. Mais celui qui est parti à la première, tellement son statut est élevé chez Allah Ta'ala, qu'il a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. On dit, faites ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que quelqu'un va faire des fautes. Par exemple, il va faire la zina et on ne va pas appliquer sur lui la loi. Hein? Il a dit non, c'est pas ça. D'ailleurs, D'ailleurs, si vous vous rappelez, les trois personnes qui ne sont pas parties à la bataille de Uhud, Ka'b et Hilal ibn Umayya est la troisième personne, et ces trois personnes, le prophète ne leur a pas parlé pendant combien de jours? 50 jours. Il a interdit aux musulmans de parler. Alors que deux d'entre eux ont assisté à la bataille de Badr. Donc, ils ont assisté à la Badr, et quand même le prophète les a exilés et a demandé aux gens qu'on ne leur parle pas. Et il y a même quelqu'un qui s'appelle Qudam ibn Madran, un sahabi, qui a participé à Badr et qui après cela a bu de l'alcool. A bu de l'alcool en croyant que ce n'était pas interdit, etc. Et ça n'a pas empêché Omar, radiallahu ta'ala anhu, de le fouetter. Donc, faites ce que vous voulez, c'est pas dans le sens que tu peux faire les péchés que tu veux, mais dans le sens que c'est une bonne nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette personne va mourir musulmane, qu'elle va pas apostasier et que sa dernière demeure sera le paradis b'idhnillah ta'ala. Quant à nous tous on sait pas. On sait pas d'ici demain qu'est-ce qui peut nous arriver, et à Oudoubillah on peut apostasier. Et on peut faire le grand shirk et ne pas faire la tawba et rentrer éternellement en enfer. Quant à ceux qui ont assis à Badr, ils ont la bonne nouvelle. Faites ce que vous voulez, vous êtes pardonnés. Vous serez parmi les gens du paradis, bi'illah ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, on arrête ici. Je vois la dernière personne qui est rentrée, ça s'appelle Laloulax. Et moi justement, je vais manger, je ne sais pas s'il y a l'aile ou la cuisse. Qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Il y a la cuisse ici, naam. Alhamdoulilah, donc cuisse. Ramène de bon chef. Donc, inshallah ta'ala, je vais manger et on va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans un quart d'heure. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullah.

فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصوت مسلم ولا فوزي ولا حياكم الله إن شاء الله راكم بخير. Je me permets juste de me connecter quelques secondes avec le pseudo de Cheikh. Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc pour rappeler que les questions, c'est par le site, il y a que Muslim. C'est bien ça. Donc ceux qui ont question d'ordre général, ils doivent la poser via le site www.chalabi.com. Bien sûr, avant ça, il faut être inscrit. Et ensuite, une fenêtre, une rubrique questions s'affiche au moment où Muslim le dit. Et c'est le cas en ce moment. Et pour ceux qui ont des questions sur le cours, c'est toujours via le site J'apprends l'islam, le salon J'apprends l'islam sur la vraie voie bis. Et en fait, l'objet de mon intervention, c'était pas celle-ci. C'était juste pour rappeler certaines choses. La première, bien sûr, c'est d'essayer de faire des questions claires, concises. C'est-à-dire que quand vous les rédigez, aidez-nous à pouvoir les lire comme il le faut. En mettant la ponctuation comme il faut, en évitant le langage SMS et autres. Et en essayant de faire plus court, mais en n'omettant pas de mettre les détails qui permettent d'avoir la bonne réponse aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un thème récurrent qui vient fréquemment, donc un thème récurrent, à savoir que souvent, les questions en fait ne sont pas réellement des questions. Les questions sont en fait des problèmes personnels. Et ça nous touche tous. Donc ce que je vais dire, c'est pas que ça nous touche pas ou qu'on n'est pas intéressé par ça, bien au contraire. Mais la première personne qui est touchée par les problèmes, quand vous les racontez, c'est bien Cheikh. Seulement, il faut savoir que Cheikh est là pour nous donner des avis juridiques, nous rappeler les paroles des savants sur des cas de din. Naam. Et souvent dans les questions, il n'y a pas en fait de réponse que Cheikh peut apporter parce que ce ne sont pas des questions religieuses. C'est du ressort d'un juge ou du ressort d'un psychologue ou autre. Et ce n'est pas du ressort de Cheikh. D'ailleurs, récemment, Cheikh a entendu une parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, suite à une question justement sur un cas social où Cheikh a dit que ce n'est pas de son ressort. Et que ce n'est pas à lui de répondre à ça, mais que les personnes doivent se diriger vers les instances compétentes. Donc quand c'est des problèmes qui sont du ressort d'un juge, il faut que ce soit vers un juge et autres. Donc, et il y a des étapes, bien sûr. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, il faudrait qu'il y ait un dialogue qui soit instauré entre l'homme et la femme. Parce que souvent, c'est des petits problèmes de rien du tout qui peuvent être réglés rien qu'au sein du couple, avec un minimum de dialogue. Et quand ça atteint un certain degré, vous pouvez faire intervenir la famille ou une personne qui a de l'influence sur le couple, qui pourrait essayer, Inch'Allah, de faire le bien dans le couple. Et dans des cas extrêmes, s'il le faut vraiment, s'il n'y a pas d'autre solution, c'est du ressort d'un juge. Mais si une personne vient poser une question, par exemple une sœur, Cheikh ne peut pas donner un avis sans avoir non plus l'avis du mari. Donc c'est ce que devrait faire un juge. C'est-à-dire qu'il va prendre l'avis de la femme et l'avis du mari, et c'est jugé en fonction de ça. Et bien sûr, ce n'est pas du ressort de Cheikh, et ce n'est pas, et l'endroit non plus n'y prête pas. Donc, barakallahu fikum, si à l'avenir, vous pouvez, Inch'Allah, poser des questions d'ordre religieux. Quand il y a des problèmes, la plupart du temps, si vous écoutez les cours de Cheikh, la plupart du temps, vos problèmes peuvent être réglés rien qu'avec les cours. Quand vous entendez un cours sur taqwa, sur la patience ou autre, si vous appliquez ce que Cheikh vous dit dans les cours, bidnillah, ça va régler peut-être 90% des problèmes. Donc désolé si j'ai été long, c'était juste pour remettre en place certaines choses, parce que souvent, là, je sais que ça met même Cheikh dans la gêne, parce qu'il aimerait bien vous aider, mais c'est vraiment pas de son ressort. Donc voilà, c'était juste pour que ça soit clair. Wa barakallahu fikum, et je demande à Allah Azza wa Jal qui facilite à tous ceux qui ont des problèmes et qu'il accorde une issue heureuse à tous ceux qui ont des problèmes. Wa barakallahu fikum wa hayakum Allah, jazakum Allah khair. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous êtes prêts, on commence, Inch'Allah? Est-ce que vous êtes prêts, on commence, Inch'Allah? Dites-moi si vous êtes prêts. Alhamdoulilah, vous êtes prêts. Avant de commencer, dites-moi si la personne qui a posé la fois passée une question sur les crèmes, ou une certaine crème, une crème qui enlève les rides. On avait parlé de la crème de huile d'argan. Sur les rides, est-ce que la personne est toujours présente? Tfaddal, Inch'Allah, pour la première question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, je vous ouvre le PV, Inch'Allah, pour que je vous envoie les premières questions. Ibn Mohamed, c'était pour te dire que je n'avais pas répondu à ton message, étant donné que tu avais indiqué dans le message d'ordinateur. Donc je n'ai pas pris la peine de répondre à ton message, et je te dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cher, je vous ai envoyé 5 questions, Inch'Allah. Et donc, je vous lis la première question d'une sœur. Wafaqakum Allah, Abu Abdillah. Je demande à Allah Ta'ala de vous accorder le Firdaus, ainsi qu'aux admins et tous les participants. Allahumma barik, quel cours bénéfique. Je voudrais poser la question suivante. Avant mon repentir, je commettais des erreurs et des péchés, qu'Allah me pardonne, et à chaque musulman. Je voudrais savoir comment faire le repentir pour chaque péché. Je ne peux pas dénombrer le nombre de mes péchés, ni me repentir pour chaque péché. Et je ne sais pas comment faire pour qu'Allah me pardonne tous mes péchés. Or, j'ai lu que pour Allah nous pardonner un péché, il faut faire le repentir pour ce péché. Barakallahu fekoum. qu'Allah augmente votre science et la nôtre. Amin. Tfadal, cher. وعليكم السلام الله وبركاته. جودي أعلم que يعني quand la personne se rappelle, نعم, elle fait le repentir spécialement ce péché. Mais quand il y a beaucoup de péchés, نعم, la personne a fait beaucoup de péchés qui étaient par exemple dans l'égarement et dans les passions, etc., et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé maintenant, l'essentiel c'est de faire un repentir général, de revenir vers Allah en général et donc qu'il pardonne les péchés sans être obligé de les avoir dans le cœur un par un ni de les citer. Ça lui suffit, inshallah ta'ala, qu'elle soit revenue sincèrement vers Allah et décidée de ne plus en refaire et qu'elle ait regretté ce qui s'est passé. Naam, ça lui suffit bi'idhnillahi ta'ala pour que, inshallah ta'ala, si elle est sincère, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'elle. Et quand la personne se rappelle comme ça un péché qui lui vient comme ça souvent entre les yeux et dans son cœur, naam, donc pour le combattre, ce waswas aussi, elle se dit que alhamdoulilah, yani, j'ai fait un, ou elle peut faire yani, un repentir spécialement pour celui-là et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Naam, tfadal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Ma question concerne la prière. Je sais qu'il est obligatoire pour la femme de couvrir les pieds pour la salat, mais ma mère a tendance à ne pas le faire malgré qu'elle soit au courant de l'obligation. Sa prière est-elle valide? Et cela reste-t-il obligatoire pour une personne d'un certain âge? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah. Pour le fait de se couvrir les pieds pour la salat, c'est vrai. Hadith de Umm Salam radiyallahu ta'ala anha est clair. Elle a dit, yani que au temps du prophète alayhi salatu salam, on faisait la prière avec deux choses, une chose qui couvrait la tête et une chose qui yani un habit qui couvrait jusqu'aux pieds, c'est-à-dire même les pieds étaient couverts. Donc ceux qui ont dit que la femme doit couvrir ses pieds, et il y en a d'autres, même de grands savants, qui ont dit que yani, les pieds ne rentrent pas dans la aura quand elle est dans la salat. Mais je dis, Allahu alam, que si on prenait avec la vie de Umm Salama, c'est l'une des épouses du prophète alayhi sallam, et elle est mieux yani, en science que celle qui n'est pas son épouse. Naam. Donc elle a rapporté que voilà comment qu'elle priait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les pieds étaient couverts. Donc je dis maintenant à ta mère, premièrement elle ne sait pas, et deuxièmement peut-être qu'elle n'est pas convaincue, et troisièmement vous lui avez dit et elle n'a pas accepté. Donc vous avez fait ce que vous devez faire. Quant à elle, son affaire, sa prière n'est pas valide, car comme j'ai dit, il y a des savants qui disent que yani, ce n'est pas obligé de couvrir les pieds. Donc nous on dit que yani, l'essentiel c'est qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala autant pour être convaincue que yani, la forcer à la convaincre. Surtout que comme je dis dans cette chose. Toi tu lui dis comment prier les femmes du prophète alayhi sallam, si elle veut accepter. Mais Ali, si elle n'accepte pas, naam, tu as fait l'obligatoire et on ne va pas lui dire que sa prière est valide. Car des savants ont dit que on peut prier ainsi. Naam, même si c'est pas la vue le plus fort. Tfadal. Naam, avant d'oublier. La fois passée, quand j'ai parlé de l'huile par rapport aux rides, une huile qui enlève des rides, et que j'avais dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné des rides spécialement, exactement comme les cheveux blancs, très à la personne qu'elle avait atteint un certain âge. Et que c'est comme yanné. Un signe précurseur que la personne yani, n'est pas loin de la tombe. Car on a vieilli, donc on se prépare. Elle-même. j'ai dit qu'il ne fallait pas utiliser cette crème parce que ça va enlever des rides, donc ça contredit la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait mieux que ce que j'avais dit. C'était quoi le mieux? Le mieux, c'est qu'il fallait faire une différence entre ce qui enlève les rides pour de bon et ce qui ne les enlève pas pour de bon. Ce qui enlève les rides pour de bon est interdit, car on contredit la sunna d'Allah dans sa création. Et ce qui enlève les rides d'une façon, yani provisoire, juste quelque temps, ce n'est pas interdit. Or, maintenant, il me semble que les crèmes n'enlèvent pas d'une façon, yani pour de bon. Ça enlève juste quelque temps, un mois, etc. Ensuite, ça revient. C'est pour ça qu'on a besoin une autre fois de la crème. Ensuite, les rides s'en vont, ensuite reviennent. Ensuite, on se masse avec la crème et comme ça. Donc, je reviens jeudi que la crème, Inch'Allah ta'ala, pour les rides, n'est pas interdite, à condition que ça ne soit pas une lève les rides pour de bon. Et je demande aux admins, à ceux qui enregistrent, d'ajouter cette réponse et de la coller. Voilà. Et donc, bien sûr, si je dis que c'est permis pour la se masser avec, c'est que c'est permis de la vendre aussi, à condition, comme j'ai dit, que ça enlève d'une façon provisoire, c'est tout, momentané. Je demande aux admins d'ajouter cette réponse yani, à ma réponse de la fois passée. Naam. Ou bien d'enlever celle de la fois passée, de mettre celle-là qui est plus détaillée, Inch'Allah ta'ala. Tfadzal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Comment devenir pieux pour qu'Allah puisse nous aider à se repentir? Aussi sur le fait de laisser les choses pour Allah, est-ce que le hadith qui dit « Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui donne une meilleure que la chose qu'il a délaissée » est authentique? Suite au cours, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Barakallahu fikum, tfadal cher. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم le hadith et tout seulement il n'est pas يعني avec cette phrase comme ça, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne en mieux. Mais il est dans ce sens, dans ce sens où il a dit alayhi salatu wasalam, on ne délaisse pas une chose pour Allah sans que il ne nous donne de mieux ou ne nous récompense en mieux. نعم. Comme ça il est authentique, il se trouve dans yani les livres de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et ça fait pas 4 ou 5 jours j'étais en train de voir ce hadith qui est authentique comme je vous l'ai dit, mais pas avec les mots que yani la sœur vient de citer maintenant. Premièrement, deuxièmement, comment faire yani pour devenir pieux? Pour devenir pieux, il faudrait premièrement avoir dans le cœur la sincérité que tout ce que je fais, l'âme, surtout dans mes adorations, sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme, tout ce que je fais comme adoration, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que je dois faire des efforts pour m'éloigner du haram et de faire le halal. Plus la personne s'éloigne du haram et délaisse des choses de haram, et plus elle commence à faire des choses, même si elles sont surérogatoires, pas obligatoires, surérogatoires, comme déjà, elle commence à monter de statut chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith authentique, hadith Qudsi, c'est authentique. Il n'y a pas une chose que j'aime comme ce que j'ai ordonné à mon serviteur. Il n'y a pas une chose que Allah Ta'ala aime comme les choses obligatoires qu'on fait. La salat, siyam, hajj, etc. Ensuite, il a dit, « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. » Et comme vous savez, si Allah Ta'ala aime une personne, ça veut dire que, mashallah, elle est devenue pieuse. Allah Ta'ala n'aime pas les pervers, il aime les pieux. Si elle a le statut d'être aimée par Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça veut dire que elle a gagné le bon monde et l'au-delà. D'ailleurs, il a dit, à la fin de ce hadith, il a dit, et si j'aime une personne, il a dit, c'est quoi ? Sa vue avec laquelle elle va voir, son ouïe avec laquelle elle va entendre, ses mains avec laquelle elle va prendre, ses pieds avec lesquels il va marcher. Elle va marcher. Donc la personne va devenir presque infaillible, presque, subhanallah, mais elle ne va plus faire de faute avec ses yeux, ni avec ses oreilles, ni avec ses mains, ni avec ses pieds en allant dans des endroits que Allah Ta'ala n'aime pas. Donc, la piété se résume en deux choses. Je fais des choses pour Allah Ta'ala sincèrement. Quand je dis sincèrement, ça veut dire aussi, bien sûr, dans les normes de la charia, je n'invente pas. Je ne fais pas les bidas. Et deuxièmement, je fais ce que je peux Non, mais deuxièmement, je fais ce que je peux de ce que Allah m'a ordonné de faire et je m'éloigne des interdits au maximum. Question suivante, cher. Question d'un frère. Hafizakum Allah Abu Abdillah. Dans un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui dirige la prière doit faire at-takhfif, l'allègement. Quel est le sens de cet allègement? Est-ce que c'est réciter des salats courtes? Parce que j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des salats assez longues au Fajr. Et Anas a dit: je n'ai pas vu de prière plus allégée que celle du prophète. Barakallah fi ilmikum. Fadal Cheikh. Naam, alaykoum salam, le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, il a dit: vous guidez les gens, naam, allégez. Et si vous priez seul, alors allongez, yani, falyutawil, yani allongez si vous voulez. Naam. Donc là, c'est que quand je suis seul dans la maison et je prie, naam, je veux. Mais si je guide des gens, je dois alléger. Ensuite, alléger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi appliquer la sunna. Ce n'est pas, par exemple, dans Salat Subh, je vais guider les gens, Salat Subh, avec, en lisant Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, et dans la deuxième, Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Dans ce cas, je n'ai pas fait la sunna. C'est un allègement contre à la sunna. Naam, je lirai avec Al-Falaq et Nas, les deux surat, dans Salat Subh, si j'étais en voyage. Le prophète Aslam a prié Salat Subh à Zilet, Zelzala, en voyage. Mais maintenant, yani, dans ma ville ou là, dans ma mosquée, Salat Subh, que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Qur'an al-Fajr. Qur'an al-Fajr, le Coran du Fajr. Il l'a appelé le Coran du Fajr tellement on y lit le Coran. Et maintenant, je vais lire avec Qul huwallahu et Tabat yada Abi Lahab. C'est yani, en contradiction avec la Sunna. Donc l'allègement, comme disent les savants, c'est deux choses. La première, de prier comme a prié le... Quand tu as prié comme lui, tu as allégé bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et la seconde, c'est, yani, c'est que lorsqu'on est à particulier, il faut ne pas... Il faut yani, prendre, disons, il faut... prendre en considération le cas particulier. Je donne un exemple, tu es dans un moussalla, une petite mosquée qu'on appelle moussalla. Ensuite, tu as remarqué que, par exemple, il y avait plein de vieux avec toi. tu as vu, en serrant par exemple, ce qu'on appelle des piquets. Non, ils ne peuvent pas se mettre debout. Yani, tu ne vas pas lire avec les grandes sourates. Non, tu es dans un cas particulier aujourd'hui, donc je vais faire une salate yani, spécialement pour ne pas les faire entrer dans l'embarras. Non, mais s'il n'y avait pas ces gens-là, j'aurais prié comme prie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas, ça s'appelle un malaisant bi'idhnillahi ta'ala. Non, comme ici le frère, il a cité le hadith de Uthman ibn Affan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Afouan aujourd'hui, la police est très petite. Am qawmak wa man naam. Guide ton peuple. Il a dit, et celui qui guide un peuple, ou la guide un groupe, qu'il allège. Qu'il allège, car il y a parmi eux le va'if, le faible, et l'âgé, l'âgé, qui est âgé, wad al-haja, et celui qui a des affaires. Ensuite, il a dit, fa'ida sallaita li nafsik, si tu pries seul, fa salli ki fashit, si tu pries seul, mais si tu pries avec des gens, naam, il faut alléger, alléger dans le sens où c'est normal, c'est pas alléger, yani, le petit, petit sourate. Mais il ne faut pas exagérer. Il y a des gens derrière toi, il y a quelqu'un qui est affairé, il y a quelqu'un qui est vieux, il y a quelqu'un qui est faible. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande si elle prend des péchés, notamment par rapport à ses hadiths. D'après Jubair ibn Mut'im, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jamais n'entrera au paradis celui qui rompt ses liens de parenté. » Et un autre hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le lien de parenté est suspendu au trône. Et elle dit: celui qui me maintient, Allah le rapprochera de lui. Et celui qui me rompt, Allah rompra avec lui. Et il y a d'autres hadiths sur les liens de parenté. Et elle dit, en apprenant que sa sœur était dans la zina avec un kafir, elle refuse depuis de lui adresser la parole, sauf si sa sœur revient sur sa décision. Barakallahu fikum. تفضل الشيخ. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Donner pas les liens. Et son prophète alayhi salam qui a exhorté les gens, les liens. Lui-même, Allah Azza wa Jal. Et son prophète alayhi salam lui-même, en quoi? On dit aussi que quand quelqu'un fait un péché, qu'il fasse, yani, disons, une position envers lui. La position, bien sûr, c'est d'établir la preuve sur lui, de lui montrer qu'il est dans la faute, et s'il ne revient pas, de prendre une position, soit de l'isoler, soit de l'exiler, et même, genre, faites attention, voilà ce qu'elle fait, et c'est permis même de ne plus lui parler jusqu'à ce que la personne revienne. Je dis à cette sœur, si à ta sœur, tu lui as fait apprendre que c'est haram, si elle sait, car c'est possible que c'est une jahila, si elle sait que c'est haram, naam, Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait une personne qui ne sache pas que l'asile est haram. Et surtout avec un kafir doublement haram. Et qu'elle maintient sa position et qu'elle reste à faire cette chose, tu peux ne plus lui parler jusqu'à ce qu'elle revienne sur sa décision. Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala, le fils de Omar al-Khattab, a dit une fois à son fils. Certains ont dit à Bilal, l'autre ont dit à Hamza, et l'autre ont dit qu'il s'appelle Salem. Il y a une divergence. Lequel de ses trois fils, il lui a dit ça. Il lui a dit, mon fils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fallait pas interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Que lui a répondu son fils? Il lui a dit, quant à moi, je lui interdis d'aller à la mosquée. Alors, mon père lui a dit, je te dis, le prophète alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut pas interdire, et toi tu me dis j'interdis? Le rapporteur du hadith a dit, il ne lui a plus parlé depuis ce jour jusqu'à sa mort. Allahu Akbar. Attendez, je cherche où est Allahu Akbar ici, j'ai pas les lunettes, Allahu Akbar. Naam. Je te dis, le prophète alayhi wa sallam a dit, c'est interdit, yani il ne faut pas interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Et toi tu me dis, moi j'interdis. Il ne lui a plus parlé jusqu'à sa mort. Juste pour avoir yani, contredit une parole comme ça. Non. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même n'a pas parlé aux trois sahabis qu'on a cités tout à l'heure, entre autres Ka'b ibn Malik, pendant 50 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un péché. Ils ne sont pas allés avec lui à la bataille. Donc en islam, quand quelqu'un fait un grand péché, j'établis ça à la preuve sur lui. Il ne veut pas revenir, j'ai yani, la permission de ne plus lui parler jusqu'à ce qu'il revienne. Quand tu ne lui parles pas, c'est mieux encore. Pourquoi? Ça peut l'aider à ce qu'il revienne. Imagine que toi, je parle à celle qui a posé la question. Imagine que toi, tu ne lui parles plus. Que ta mère ne lui parle plus. Que ton père ne lui parle plus. Que tes frères ne lui parlent plus. Tes cousins ne lui parlent plus. Tes tantes, tes oncles. Tous décident d'en lui parler plus. Tourner, tourner, tourner et revenir comme une chienne. Et revenir, naam, et peut-être demander pardon et dire je regrette. Si on lui parle, elle ne va pas sentir qu'elle fait un péché. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadl. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve et vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Quels sont les cas où le mensonge est autorisé? En effet, je voulais savoir si je mens à mes parents pour aller suivre mes cours de religion, car je n'ai pas vraiment le choix à cause du fait qu'ils me persécutent, à cause de mon attachement au din, et par conséquent, n'aiment pas que je prenne des cours. Dois-je arrêter mes cours pour arrêter de mentir ou continuer mes cours et continuer de mentir par nécessité en sachant que ce sont des cours de Aqida qui est une science obligatoire? Je sais que le mariage est la solution pour moi car c'est ce que vous m'aviez répondu la dernière fois quand je vous avais exposé ma situation, mais mes parents sont des gens très tribalistes et traditionnalistes, donc en attendant qu'Allah leur ouvre le cœur pour me laisser me marier, que dois-je faire? Barakallahu fikoum. Non, alaykoum salam. La personne a dit qu'elle me remercie pour le temps que j'accordais. Désolé, mais aujourd'hui le temps est vraiment cher. Là, je n'ai que 25 minutes. Je n'ai que devant moi que 25 minutes. Je suis chez de la famille. Et déjà, on me dit, lève-toi. Donc, si j'arrive à continuer 25 minutes, Alors toutes les 5 minutes, on vient ici me déranger. Combien je peux tenir C'est pas moi qui chasse, chef. Ah, on va voir comment je peux tenir la tête. On va voir si c'est qui gagne. Ouais, elle était mashallah. Non, je plaisantais pas, c'était la cuisse. Non, Allah, elle était mashallah. Il y a cette personne qui a dit que entre non, ou bien elle ment à ses parents et elle fait un péché, ou bien elle dit la vérité et elle sera privée des cours de. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit il y a dans le fait de jouer avec les mots une grande issue. Non, il suffit juste comment savoir. Yani, jouer avec les mots, avec les parents. Je vous donne le dalil. Le dalil. Dans le hadith de Bukhari, que vous connaissez tous, il va venir, inshallah, dans Riyad Salihin, on va le lire aussi, qu'il y avait une personne qui allait mourir, un roi, et avant de mourir, il a dit que, yani, il avait un sorcier, donc il a dit, je demande à ce que le sorcier va mourir, donc il faut que quelqu'un le remplace. Donc on a fait appel à un enfant pour qu'il apprenne la sorcellerie. La magie. Et à chaque fois, pour aller chez le magicien, il passait devant quelqu'un, un adorateur. Naam. Et il écoutait l'adorateur, ce qu'il disait, etc. Ça lui plaisait beaucoup. Mais quand il allait après chez le sorcier le frappait. Il lui disait, pourquoi tu es venu en retard? Il le frappait. Alors, il a dit à l'adorateur, il lui a dit, moi j'ai des problèmes maintenant, j'aime t'entendre, etc. Mais le mouchkil, il y a le sorcier qui va me frapper après. Que lui a dit l'adorateur? Il lui a dit, écoute, je vais te donner une issue. Quand tu vas chez le sorcier pour qu'il te frappe, j'ai été retenu par mes parents. Et quand tu vas chez tes parents, ils te disent, où est-ce que tu as été? Tu es en retard. Dis-le le sorcier. Et comme ça, tu vas trouver une solution. Donc le sorcier ici, l'adorateur, lui a appris quoi? À jouer avec les mots. Lui, quand il dit j'étais chez le sorcier, il dit à ses parents, il n'a pas menti. Pendant la journée, il était chez le sorcier. Et ensuite, quand il dit au sorcier, j'ai été retenu par mes parents, c'est vrai, il était chez ses parents. Et ensuite, il est allé chez qui? Chez l'adorateur, mais il n'a pas cité l'adorateur au magicien, il l'a sauté, il a dit, je viens chez mes parents. C'est comme si, par exemple, une personne va sortir de la maison. Elle va à la mosquée, va à la poste et elle revient à la maison. On lui dit, où est-ce que tu étais? Tu viens en retard. Elle dit, oui, j'étais à la poste. Elle n'a pas menti. Mais elle a pas voulu dire qu'elle était à la mosquée. Elle a sauté à la mosquée. Pas menti. Non, je viens de la poste. Il y avait du monde dans la poste. Et c'est vrai, elle vient de la poste. Il y avait du monde. Mais en fait, la poste, c'est juste elle. J'étais à la poste. Mais en fait, elle était à la mosquée. Elle était à la mosquée. C'est pour ça que la personne, maintenant, je n'ai pas le temps. Si j'avais un peu le temps, je peux lui trouver comment jouer avec les mots. Mais elle cherche comme ça un peu, elle trouve. Elle trouve comment jouer avec les mots et dire que j'étais par-ci, par-là, alors qu'elle était à la mosquée sans qu'elle leur dise il n'est pas là. Donc elle choisit en allant à la mosquée. Après la mosquée, elle va chez une personne que connaissent ses parents, chez une amie à elle et à eux, et elle dit, voilà, je viens de mon ami X. C'était juste pour Yanni camoufler. Ah, mes chers, question suivante. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Donc, c'est un frère qui pose une question pour une sœur. Dois-je rattraper Salat al-Fajr si mes menstrues se terminent avant le Dhuhr, mais après le Fajr? Je précise que lorsque je m'endors la veille, je suis toujours en état de menstrues. Et pouvez-vous faire un rappel sur les prières à rattraper en fonction du moment où les menstrues se terminent? Wa jazakumullah khairan. Fadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. La question. Non. Dois-je rattraper Salat al-Fajr si mes mensuifs se terminent avant Dhuhr? Avant Dhuhr. Mais après Al-Fajr. Je précise que lorsque je m'endors la veille, je suis toujours en état de mensuif. Pouvez-vous me faire un nom? Je dis, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé de rattraper Salat al-Fajr. Même si il y en a un certain nombre de savants ont dit cela. Et certains ont dit que aussi, si les menstrues elles se purifient, il y en a avant l'Isha, elles rattrapent aussi le Maghreb. Et si elles se purifient avant l'Asr, elles rattrapent aussi le Dhuhr. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, rahmallah, il a dit, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé, même si beaucoup de savants ont dit ça. Je dis, Salat al-Fajr est déjà sortie et passée. Elle vient se purifier après yani la sortie du moment de Fajr. C'était toujours le soleil, c'était pas levé, elle doit se purifier et faire le Fajr. Et maintenant, le soleil s'est levé, donc il n'y a plus de Fajr. Elle va se purifier pour faire, Inch'Allah, Salat al-Dhuhr, pour se préparer, Inch'Allah ta'ala, à Salat al-Dhuhr. Pouvez-vous faire un rappel sur les prières rattrapées en fonction du moment où les menstrues? Il n'y a pas. L'avis le plus fort, c'est que on se purifie. Prière du moment où on s'est purifié. Sauf que si vous voulez ajouter la prière d'avant, la plupart des savants ont dit ça, comme je l'ai cité. Si tu te purifies, avant l'Isha, ou même après l'Isha, c'est-à-dire avant le Fajr, la plupart ont dit, donc tu fais l'Isha avant minuit, avant minuit, tu fais l'Isha et tu fais le Maghreb. Et avant le et tu fais Asr, tu fais Dhuhr. C'est la vie de la plupart. Ibn a dit, tu fais seulement la prière de l'heure. Wallam, tfadl. Naam, cher, avant de vous lire la prochaine question, est-ce que Ibn Mohammed est toujours avec vous, cher? Est-ce qu'il écoute actuellement, Inch'Allah? Alhamdulillah. Akhi Abou Zakaria, Inch'Allah, la prochaine fois, j'espère que tu as vu ça avec le cher, fais un rappel sur les frères et sœurs qui posent une question hors sujet avec le cours, juste parce que le cher a parlé d'une chose dans le cours, alors ils en profitent pour glisser une question qui n'a rien à voir avec le cours. Inch'Allah, si tu peux faire un rappel la prochaine fois, que c'est pas parce que le cheikh parle d'une chose que tout ce qui va rentrer dans, ils vont reprendre le mot et ils font rentrer toutes leurs questions dedans. C'est Naam, tfadal inshallah. C'est comme a dit maintenant Ibn Mohammed, il a dit c'est comme par exemple moi je parle de la piété. Je peux grouper et ça rentre dans la piété. La personne qui est pieuse et elle a peur, donc elle groupe entre les salades. Enfin, donc si c'est comme ça, toute chose on peut lui trouver un lien. Toute chose on peut lui trouver un lien avec yani, le cours. Mais yani, alhamdoulilah, yani, si maintenant vous posez des questions, on a le temps. Inch'Allah ta'ala, on répond. Et si yani, Allah, il n'y a pas de temps ou il y a des questions plus importantes, c'est autre chose, bilna ta'ala. Ensuite, je voulais parler d'une chose avant que j'oublie, et aussi je vais vous prendre un peu de votre temps, mais pas longtemps, Inch'Allah ta'ala. La fois passée, c'est l'admin qui vient de me dire, qu'il y avait quelqu'un sur le site ici, je ne sais pas aujourd'hui s'il est présent ou là, il n'est pas présent, Allahu alam. Al-Muhim, que faisait cette personne envoyait des PV aux sœurs. Cette personne envoyait des PV aux sœurs. Al-Muhim. Moi, ce que je veux dire ici, c'est pas pourquoi la personne a envoyé des PV aux sœurs. Cette chose, elle est connue, c'est pas la peine d'en parler. Mais moi, je blâme beaucoup plus les sœurs que les frères. Pourquoi je blâme les sœurs beaucoup plus que les frères? Car la sœur, ou là, les sœurs, savent depuis longtemps qu'il y a un moyen pour lequel tu ne permets à aucune personne de te contacter. Ensuite, toi, tu n'emploies pas ce moyen. Ensuite, tu vas dire pourquoi il y a des gens qui me contactent. Donc, je dis, la sœur qui laisse les frères les contacter, l'une des deux sortes. Ou bien elle ne sait pas ma méthode, ou bien elle sait. Si elle ne sait pas, on va lui montrer vite comment c'est. Si elle sait, c'est grave. Donc celle-là, elle n'a pas le droit de se plaindre. Donc je dis très vite, pour bloquer les PV, voilà, vous allez où c'est écrit file, mais pas ici. C'est dans la page où il y a la liste des amis. On a tous là, dans la page principale. Tu vas en haut, c'est écrit file. Ensuite, tu cliques, tu choisis setup préférence. Ensuite, tu choisis privacy. Ensuite, tu choisis contact from PAL list only. Je voudrais être contacté seulement de ma liste. De ma liste seulement. Je voudrais que personne ne me contacte. Et tu cliques sur OK. Plus jamais une personne ne peut te contacter, sauf tes amis que tu as sur la liste, Masha'Allah. Et si c'est en français, si ton passe-toc est en français, tu vas sur fichier, ensuite configurer. Ensuite, tu choisis préférer autoriser uniquement les contacts de la liste amis. OK. Et salam alaikum, personne ne peut plus te contacter sauf ceux que tu as dans la liste. Tfadal. Ah, question d'un frère. Salam alaikum. Le cher a parlé, il me semble que l'intuition était probablement l'une des caractéristiques des prophètes, et qu'il en avait 46 ou quelque chose comme cela. Serait-il possible de connaître certaines caractéristiques des prophètes pour lesquelles Allah les a choisis pour être prophètes et messagers? Barakallahu fekoum, et qu'Allah vous accorde le firdaous à vous et aux admins. Amin. Tfadashir. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Quand Allah Ta'ala veut choisir un prophète, نعم, un messager, il choisit quelqu'un qui il lui fait rendre. Alhamdulillah. J'ai dit, il y en a au moins 46 dans un autre hadith, je crois que c'est. Mais parmi les 46 qui est connu, c'est le plus connu de Bukhari. Dans les 46, il y a par exemple le fait que la personne doit être une personne qui ne ment jamais. Jamais un messager ne ment. Entre autres, par exemple, que être un messager, il faudrait que tout ce qu'il voit dans les rêves s'applique dans la réalité. On peut voir mille choses dans les rêves qui ne s'exaucent jamais. Quand un messager voit une chose dans le rêve, elle s'applique. C'est pour ça qu'Aïcha disait, radiallahu ta'ala, disait que, avant la prophétie, il a commencé à la caverne, il a commencé aussi à voir, à se voir exaucer tout ce qu'il voyait dans les rêves. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, quand Allah ta'ala a voulu, lui a demandé de dégorger son fils, il lui a fait savoir dans un rêve. Pourquoi? Car ce qu'il voit dans le rêve, c'est authentique, c'est un messager, c'est pas comme nous. Le messager aussi, ce qu'il a, ses yeux dorment, mais pas son cœur. Nous, quand on dort avec les yeux et le cœur. Tout est éteint. Les messagers, non. Ses yeux sont enfermés, mais son cœur est vivant. Naam, il est présent. Subhanallah al-Azim. C'est pas comme nous. Les messagers, par exemple, aussi, ce qu'ils ont aussi de particulier, c'est que, par exemple, ne leur donne pas un physique qui fait fuir les les gens. Quand il est Juhal, qui jusqu'à nos présents, jusqu'à d'autres temps, on parle de Yub alayhi salam. Ils disent qu'il est tombé malade au point que il avait des vers de terre sous son corps, son visage, ses yeux, de son nez sur terre, de ses oreilles, des vers. Billah, a'oudou billah. Toi, tu connais rien dans la aqida. Tu sais pas que Allah Ta'ala n'envoie jamais un prophète qui fait fuir les gens comme ça. Car s'il était comme ça, si un prophète fait fuir les gens avec son physique, qui va s'asseoir avec lui? Et si les gens vont fuir de lui et ne vont pas s'asseoir avec lui, comment il peut leur propager la religion et yani, établir la preuve sur eux? Vous avez compris? Il faudrait qu'il soit d'un physique, masha'Allah, souriant comme ça, que les gens aiment, etc. Subhanallah al-Azim. C'est pour cela que je voulais dire ici une chose importante. Naam. C'est pour ça que les Juifs ont dit celui-là, Moussa alayhi salam, ils ont dit de lui, car les Juifs baignaient nus et en groupe. Alors que Moussa alayhi salam, dans ses habitudes, il ne se baignait que tout seul. Tout seul. Qu'ont dit les Juifs? Ils ont dit qu'il ne fait cela que parce qu'il a un grand défaut dans son corps. Une seconde, je cherche le verset. Une seconde, le verset. Dommage, j'ai pas Osmo, j'ai pas les lunettes, ça une seconde. Une seconde. C'est pas celui-là. Chauffe. Alors, quand ils ont dit comme ça, ils ont dit que Moussa alayhi salam, yani, c'est pour ça qu'il se baignait seul, car il avait un défaut dans son corps. Dans son corps. Allah Ta'ala fait descendre le verset suivant. Ya ayyuha alladhina amanu, la takunu kal ladhina adaw Musa, fa bara'ahu Allah mimma qalu, wa kana 'inda Allahi wa wajha. Regardez ce que ça donne en français. Ô vous qui croyez comme ceux qui ont offensé Moussa, Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala que une fois Moussa alayhi salam pour se baigner dans la mare, il a ordonné, Allah Ta'ala a ordonné à un caillou, un grand caillou sur lequel Moussa avait posé ses vêtements, lui a ordonné de fuir avec ses vêtements. Imaginez, tu poses tes vêtements sur un petit caillou, là, un rocher, un petit rocher, et que le rocher est sorti derrière lui en criant au caillou, il a couru derrière lui. Et il a été obligé de sortir nu du lac. Alors les Juifs qui étaient cachés, en train d'espionner, ils voulaient toujours voir qu'est-ce qu'il y avait dans son corps, l'ont vu nu. C'était, quand ils l'ont vu nu, Allah Ta'ala voulait leur montrer quoi? Que yani, c'est un messager, que les messagers n'ont pas de défaut, comme j'ai dit physiquement. Et que quiconque dit sur un messager qu'il a un défaut, naam, il a offensé ce messager. La preuve, ô vous qui croyez, ne soyez pas comme les Juifs, ceux qui ont offensé Moïse. Ils l'ont offensé comment? En disant qu'il a un défaut dans son corps. Alors attention à ceux qui, en parlant de Ayyub, etc., etc. Naam. El-Mouhim, ça c'est aussi une particularité, yani, des messagers, qu'ils sont de corps, yani, mashallah. Maintenant, tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsan Allahu ilaykoum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher, ainsi que les admins et tous les frères et sœurs. Amin. Ma question concerne les prières surérogatoires. Le prophète, que la paix soit sur lui, faisait 4 rak'at avant le dhuhr et 2 rak'at après le dhuhr. qui entre dans les prières rawatib. Selon le hadith suivant, si un individu accomplit volontiers pour Allah, exalté soit-il, 12 unités de prière hors de ce qui est prescrit, alors certes Allah lui bâtira pour cet acte une demeure au paradis. Et dans un autre hadith, il, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui préserve 4 rak'at avant dhuhr et 4 après lui, Allah lui interdira le feu. Comment concilier entre ces deux paroles pour préserver ces deux sunan? Peut-on faire un jour la première et un autre jour la seconde? Tfadal cher. Une seconde, je suis en train de... le prophète Hassan m'a dit 4 rak'at avant le dhuhr et 2 rak'at après le dhuhr sont dans les prières rawatib selon les hadiths suivants. Si un individu accomplit volontiers pour Allah exalté 12 unités de prière hors de ce qui est prescrit, Allah certes lui bâtira une demeure au paradis. Et dans un autre hadith, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui préserve 4 rak'at avant d'or et 4 après lui, lui interdira le feu. Comment concilier entre ces deux paroles pour préserver ces deux sunan? Peut-on faire un jour la première et un jour la seconde? Je dis Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. J'aurais aimé répondre comme a dit la personne, c'est-à-dire pour que là, cette prière, il y a un problème. Lequel? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que le premier hadith, où il est dit que Allah Ta'ala va lui bâtir une demeure dans le paradis, dans ce hadith, attendez, je vais voir ici si la cité, dans ce hadith, il est dit que quiconque accomplit 12 unités chaque jour, comme ça il a dit. Le frère n'a pas cité cette phrase dans une autre version authentique. Chaque jour, les 12 prières chaque jour, sauf bien sûr les jours où on est malade, les jours où on est en voyage, les jours où on est évanoui, les jours, on ne parle pas de ça. Mais quand la personne peut, elle doit les faire. Donc le hadith est clair que on doit faire ces 12 rak'at yani chaque jour. Allah, une seconde, reste que comment yani concilier entre ces deux hadiths, yani celui qui est 4 avant d'or et 4 après lui, je chercherai inshallah ta'ala pour essayer de voir yani qu'en dit les savants sur cela. Naam. Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Question d'une sœur, chère, qui dit: Salam alaykoum, chère. Hafizakumullah. J'aimerais savoir comment calcule-t-on la zakat et le mal, car j'ai un doute dans ma façon de faire. Si par exemple, le 4 Ramadan, j'ai 10 000 euros, ensuite l'année d'après j'ai 14 000 euros, et le Nisab est à 3 000 euros, est-ce que je donne sur les 14 000, ou sur 4 000, ou sur 3 000? Tfadal cher. Ah, le cher a été déconnecté, donc nous allons attendre Inch'Allah qu'il revienne. Barakallahu fikoum. Cher, je vais vous relayer la question, Inch'Allah, car vous avez été déconnecté. Okay. Et le compteur s'était arrêté à 4 minutes, cher. Le décompte, 4 minutes. Donc, je vous répète la question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah. J'aimerais savoir comment calcule-t-on zakat el mal, car j'ai un doute dans ma façon de faire. Si par exemple le 4 Ramadan, j'ai 10 000 euros. Ensuite, l'année d'après, j'ai 14 000 euros. Et le nisab est à 3 000 euros. Est-ce que je donne sur les 14 000, sur 4 000 ou sur 3 000? Tfadal, cher. Oussamart, relis comment tu as dit par rapport. Bon, le nisab, c'est 3 000. Ensuite, comment tu as dit, répète les chiffres à Aoucho. Donc elle dit je possède 10 000 euros, l'année d'après 14 000 et le nisab est à 3 000. Est-ce que je donne sur les 14 000, sur les 4 000 ou alors sur les 3 000? Fadal cher. Elle donne, elle compte, c'est-à-dire elle fait sortir sur les 14 000. Elle mohem, regardez, c'est très simple, il n'y a pas plus simple que cela. Je vois toujours une année après, à condition que ce soit les mois arabes. Par exemple, le 4 Ramadan, pour la première fois, j'avais une somme, disons, de 5 000, ou la 4 000. 4 000, c'est plus de 3 000, ça. Vous dites le nisab, c'est 3 000. Disons, j'ai le nisab, khlas. Aujourd'hui, 4 Ramadan, pour la première fois, j'ai 3 000. Ou alors, j'avais 2 500, c'est devenu 3 000. Alhamdoulilah. Quand elle s'est devenue 3 000, c'est le 4 Ramadan. Donc, maintenant... C'est le 4 Ramadan. Donc maintenant, le 4 Ramadan prochain, je vais voir seulement est-ce que j'ai 3 000 et plus ou non. Si j'ai 3 000 et plus, je fais sortir la zakat de la somme que j'ai. Si j'ai 10 000, 10 000. Si j'ai 14 000, 14 000. Si j'ai 100 000, 100 000. El Mohim, ce que je dois voir seulement, est-ce que je suis descendu au-dessous du nisab de 3 000, je n'ai plus 3 000. Donc j'ai plus de zakat, même si j'ai 2 990. La 99, il me reste 1 euro pour avoir le nisab, donc j'ai pas de zakat. Mais maintenant, si j'ai dépassé le 3 000, c'est sur cette somme, toute la somme que j'ai, que je fais sortir la zakat. Bi'idhnillahi ta'ala. J'espère, inshallah ta'ala, que... Demande-lui si c'est clair. Je demande à cette sœur de s'adresser au frère Faouzi du 30. Ou alors moi-même, puisque mon PV est ouvert actuellement, qu'elle m'envoie un PV, Inch'Allah, pour me dire si elle a compris le calcul de la zakat, Inch'Allah. Afouane, puisque tu n'as pas vu que j'ai écrit micro, s'il te plaît. Je t'ai dit, on profite, pose-moi la dernière question, Inch'Allah. Tfadlal. Muslim, est-ce que tu es avec nous? Muslim, est-ce que tu es avec nous? Fawzi, est-ce que tu as une dernière question? D'accord, peut-être Muslim a des problèmes. peut-être il est allé compter la zakat. Peut-être il s'est souvenu qu'il n'a pas payé la zakat, il est en train de compter, surtout que, mashallah, il doit être millionnaire. Alors, inchallah, on lui laisse le temps de compter la zakat. On va se rencontrer, inchallah, quel jour on est, Dieu, samedi. On va se rencontrer, inchallah, ta'ala, mercredi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.